couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 7. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org, dempart@dnmx.org. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins. Un certain nombre de personnes se sont inscrites depuis... une dizaine de jours, une semaine à peu près. Donc leurs comptes vont être activés incessamment sous peu. Donc merci de nous envoyer effectivement des emails en disant voilà, je me suis inscrit, mais ça passe pas, etc. Ça c'est normal. Le filtre anti-spam en fait vous a simplement rejeté, mais c'est pas, ça peut être lié à différents trucs. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes rejeté lors de votre inscription, envoyez-nous un petit email et ça sera activé. Le nouveau nom de domaine, puisque le point space a été censuré par le gouvernement français et donc techniquement par les FAI en France. Le nouveau nom de domaine, c'est Dempart, D-E-M-P-R-T, point, site, S-I-T-E, comme un site internet, quoi. Voilà, Dempart, point, site, voilà. Présentation des membres de la semaine, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Le retour de Pierrot, salut Pierrot! Bonjour Gradalf, bonjour à tous. T'étais attendu et désiré, hein, quand j'ai fait l'annonce de ta venue prochaine, les auditeurs qui commentent sur le forum ont réagi avec plaisir. Et je ne suis pas mort, hein, parce que dès que quelqu'un s'absente pendant plusieurs semaines, on dit « ouais, il est mort ouais. ». Tout le monde va bien, personne n'est mort. C'est le décès. Mais non. Est aussi avec nous cette semaine Jean Bureau, qui nous fait le plaisir de répondre à l'appel. Salut Jean. Salut Gandalf, salut à tous. Est aussi avec nous cette semaine Diabolix. Et j'espère qu'il va bien, Diabolix. Salut Gandalf. Alors, avant de commencer l'émission à proprement parler, nous allons remercier nos donateurs. L'émission, le site, même le forum, tout ça ne dépend que des dons des lecteurs, enfin du public. Sans les dons, évidemment, on ne peut pas fonctionner. Nos auditeurs le savent, les lecteurs le savent, et nous recevons uniquement des dons en Monero, crypto-monnaie, qui garantit là aussi, comme vous le savez, l'anonymat, toujours utile, hein, puisqu'on est quand même un petit peu observé. Donc si vous souhaitez nous aider, tout est expliqué techniquement sur la partie droite du site, il y a un guide d'utilisation Monero, comment maîtriser Monero. C'est pas sorcier, c'est utile, Monero peut être utilisé pour des transactions avec d'autres amis, simplement, vous n'avez pas envie que des tiers sachent ce que vous faites avec votre argent. Un certain nombre d'acteurs du monde identitaire nationaliste commencent à s'y mettre. J'ai vu que la librairie Vincent a adopté Monero. Ça, c'est intéressant à savoir. Je crois que d'autres vont suivre. Et moi, je m'en félicite parce que ça devrait être vraiment la norme, hein, je trouve. Bon. Alors, donc, don en Monero, tout est expliqué sur la partie droite du site, vous pouvez trouver tout ça. Et sinon, même sur le forum, il y a une petite sous-partie crypto, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas. Alors, don numéro 1, c'est Merci Doc qui nous écrit ceci. Salut l'équipe de Dempart, voici ma donation bien méritée pour le mois de mars, d'une valeur de 0,71 monero. Continuez votre bon travail de réinformation. Racialement vôtre. Merci Doc. Et donc, bah, merci Doc, puisque c'est son nom. Donc, voilà. Don numéro 2. Bonjour Gandalf et aux démocrates. Un don de 0,11 monero vous a été envoyé pour aider DP. Une pensée pour Vincent Renoir, bien évidemment, dont on suit l'affaire de très près, comme tous. C'est signé Alpineur, qui est un donateur régulier de l'émission. Merci à toi, Alpineur. Don numéro 3. Bonjour Gandalf. Bonjour l'équipe. Je voulais partager ma joie de réentendre les membres plus anciens, sans parler du bon cardinal d'Eric. Le retour de Diabolix et bientôt de Pierrot est enchanteur. On espère que le vénérable Fulbert et sa cape se portent bien. Je n'ai pas eu de retour concernant la réception de mes dons mensuels pendant maintenant 4 mois, l'équivalent de 40 euros selon les cours. Alors, et ça c'est Don Jacques Vengeance qui nous écrit. Alors, Jacques, premièrement, le fait que vous n'ayez pas reçu d'accusé de réception est normal. On n'avait pas reçu vos emails. C'est le premier qui apparemment parvient à passer. Deuxième problème, vos emails nous parviennent, mais ils sont hachés parce que apparemment les accents ne passent pas avec le service email que vous utilisez. Donc, les emails sont illisibles. Alors, j'ai réussi à déchiffrer les quelques premières phrases, celles que j'ai lues, mais le reste est illisible. Donc, pardonnez-moi, pardonnez-nous, mais si vous pouviez nous réenvoyer le même email, en fait, avec un autre service d'email pour que ce soit en clair, on pourrait vous répondre. Et donc, je pense que le problème proviendrait de votre service d'email. Voilà ce qui explique pourquoi on n'a pas répondu. Ben, en fait, on n'avait pas les emails et celui qu'on a reçu aujourd'hui était en très mauvais état. Donc, est-ce que vous pouvez réécrire avec un autre service email? Ça serait bien et du coup, on pourra vous répondre. En attendant, je m'excuse. En attendant, merci bien sûr de votre soutien et le silence de notre part n'était pas du tout voulu. C'est complètement indépendant de notre volonté. Donc, dans l'attente de votre prochain email, qui, je l'espère, cette fois-ci passera bien. Don numéro 4, salut à toute l'équipe, je vous adresse mon don pour le mois de février, bonne continuation. Ça c'est Mélas Octocrator, bien sûr, donateur qu'on ne présente plus et auquel on adresse un salut très amical. Alors, courriel, on a eu plusieurs courriels, mais j'en ai un sélectionné cette semaine, très court, parce qu'on avait pas mal de choses à aborder. Le premier, voilà. Bonjour à tous, j'ai été agréablement surpris d'écouter la dernière partie de votre émission de la semaine dernière en rapport avec la Moldavie. Alors, c'était pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, puisqu'on a eu un peu eu d'émission la semaine précédente. Donc, c'est relatif à la Moldavie, voilà. Je suis très familier du pays pour y avoir vécu plusieurs années. Diabolix me semble aussi connaître le sujet. Si vous avez des questions spécifiques ou généralistes quant à la Moldavie, j'y répondrai par mail avec plaisir. Salutations, et c'est signé Otto. Alors, j'ai demandé à Otto, tout simplement par email, est-ce qu'il y avait un aspect à propos de la Moldavie qu'on n'avait pas abordé et qui lui paraissait intéressant de soulever. Donc, j'attends la réponse d'Otto. Il a certainement des choses à dire. Donc, Diabolix... ton expertise aussi sur l'Europe de l'Est a l'air d'être appréciée. Et tant mieux. De toute façon, je pense que, au vu de l'actualité, la Moldavie va encore attirer l'attention médiatique, la Transnistrie aussi. La Géorgie nous intéresse cette semaine également, puisque des troubles ou une révolution de couleur a été suscitée. Certains de nos auditeurs ou lecteurs ont pu voir. On en parlera, je pense, dans la deuxième partie de l'émission, si tout se passe bien. Donc voilà, y a vraiment de quoi faire. C'est tant mieux si les contributions de nos participants sont appréciées ou jugées pertinentes. Alors, rubrique numéro 1, autisme radical, commence sur un ton léger, mais sympa, moi j'ai trouvé ça sympa. Alors je cite Le Progrès, le journal Le Progrès, et nous allons parler du Parti Socialiste. Vous savez, bon, cet ancien parti présidentiel, on l'oublie un peu vite, mais Emmanuel Macron vient du Parti Socialiste. Hein. Il en a été d'ailleurs ministre, puisqu'il a été ministre de l'économie de François Hollande qui était président de la République encore en 2017, c'est pas si vieux, il y a 5 ans. Président socialiste, hein, donc le Parti Socialiste qui aujourd'hui est devenu presque un groupuscule, a été un parti de gouvernement, on l'oublie peut-être. Alors du coup, il se passe encore des choses au Parti Socialiste, et là, Je pense que c'est assez symptomatique. Et je vous lis ça tout de suite. Jeudi soir, Christiane Constant, opposante historique socialiste à Brignais, a été réélue première secrétaire fédérale du Parti Socialiste du Rhône, donc du département du Rhône. Elle l'a emporté face à Muriel Laurent avec 55,93% des voix. Mais très vite, la capture d'écran d'un SMS a fait le tour des militants socialistes de cette fédération et même au-delà. L'auteur, c'est Christiane Constant, elle-même. Le message que le Progrès a pu visualiser, daté de 8h58, ce vendredi, s'adresse à une dénommée Souad, avec qui la première secrétaire du PS dans la Fédération du Rhône se félicite de sa victoire. « On va se faire une fête du tonnerre de Zeus !» indique Christiane Constant à la fin de son message, avant de préciser « On a éliminé tous ces macaques !» suivi d'un cœur rouge et des trois petits singes classiquement proposés dans les émojis, dont l'un se bouche les yeux, le deuxième les oreilles et le troisième la bouche. Macaque, vraiment ? Certains en PS crient au racisme ! Quand, selon une source, Christiane Constant aurait voulu inscrire ou écrire « Macache ». Macache, qui signifie « c'est rien ». C'est rien au sens de « c'est rien » au pluriel. Hein. C'est démonstratif, C-E-S, rien, R-I-E-N-S. Donc c'est rien ou c'est moins que rien à l'adresse donc, de ses concurrents. Que son correcteur orthographique aurait transformé en macaque. Muriel Laurent, contactée, n'a pas souhaité réagir. Christiane Constant, jointe par courriel et via le secrétaire général du PS, n'a pas répondu à nos sollicitations. Alors, elle a depuis été éjectée, hein, faut le savoir. Hein, elle a été dégagée, c'est terminé. Fin de la carrière politique de Christiane, qui était une boumeuse très joviale. Hein, c'est même boumeuse, hein, voilà. Donc, ménopausée, hein, une vraie boumeuse. Quoi, hein, voilà. Alors, messieurs, je tiens à préciser que dans la liste des concurrents qui faisaient ombre à Christiane, hein, il n'y avait pas de gens de couleur. Il n'y avait pas d'halogènes, il n'y avait pas d'étrangers hein, du tout, d'origine étrangère, je veux dire. C'était uniquement des gens de race blanche, à prénom français, d'ailleurs j'étais étonné. Un petit côté vichiste là, qui tradition mitterrandienne oblige, je ne sais pas, mais en tout cas c'était d'un blanc immaculé. Hein, il n'y avait pas un halogène dans l'horizon, etc. Alors, évidemment, autour, oui, c'est évident, hein, je veux dire, bon, là on le voit, elle échangeait avec une maghrébine, hein, une certaine souhaite qui a peut-être d'ailleurs... Qui était balancée en fait. Eh ben, qui en fait a totalement balancé, puisque c'était le message était adressé à elle, donc c'était sur son téléphone. Quand elle a reçu le message, la maghrébine n'a pas pu s'empêcher de s'en ouvrir aux autres, et vous avez vu la suite. Alors, bah, je pose la question du coup, enfin, je vous sollicite simplement votre réaction, parce que là, moi j'ai lu l'article au départ et j'avais pas compris. Je disais, ah bon, elle a traité probablement des noirs ou des fois, enfin, des gens de couleur, quoi. Elle les a traités de macaques, quoi. J'aurais trouvé ça très drôle. Et non, il n'y en a pas. Aucun. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'on est en train de faire de la concurrence aux États-Unis, là. Parce que les États-Unis, ils ont le même problème avec le mot nigger, qu'on n'a pas le droit de dire. Enfin, dans la loi, on a le droit de le dire. Mais seuls les nègres, dans la pratique, ont le droit de s'appeler nègres entre eux. Les blancs n'ont pas le droit d'utiliser ce mot-là. Ils essayent aussi, d'ailleurs, les juifs essaient de faire la même chose avec le terme Jew. Voilà. Faut pas dire. Si vous voulez désigner un juif, il faut dire « a Jew person », mais il ne faut pas dire « un juif »,« a Jew ». Ou alors il faut dire « a Jewish », voilà. Il ne faut pas utiliser le nom, il faut utiliser l'adjectif, par exemple, ou de manière détournée. Mais là, c'est un level au-dessus, en fait. C'est-à-dire que là, c'est macaque hors contexte. C'est autre ouais. chose, quoi. C'est-à-dire qu'on raye un mot du dictionnaire, carrément. On ne peut plus l'utiliser. Il n'y a pas de noir dans l'affaire, d'accord? Mais voilà, c'est devenu un mot interdit. Alors, je ne sais pas si Pascal Nègre va devoir aller à la presse pour faire changer son patronyme, si possible. Mais en tout cas, bon, c'est risible. Hein, la cancel culture fait un pas de plus. Ce n'est pas un bon pas. Les gens, quand ils parlent de 1984, le bouquin de George Orwell, ils disent oui, arrêtez, c'est exagéré. Non, non, non, mais là, on est en plein 1984. Hein. On nage en pleine novlangue, voilà. La novlangue, on la vit au quotidien. Jean, éventuellement, là-dessus, est-ce que ça t'amuse, ça, tu t'es pas du tout étonné qu'il y ait du racisme sans même d'halogène dans le truc? Non, mais c'est assez fatigant, effectivement. Pierrot a bien résumé le truc, c'est-à-dire que on s'offusque en permanence pour des mots qui ne veulent pas forcément dire, enfin, ce qu'on pense, le sens qu'on leur impute. Donc, ça donne des situations complètement ridicules comme celle-ci, mais en fait, c'est une sorte de dressage qui a été fait sur les populations. Parfois, on fait l'expérience d'utiliser un mot sans vraiment trop y penser, et on voit quelqu'un qui se dresse comme un chien d'arrêt qui il a repéré quelque chose, et on voit des réactions vraiment épidermiques chez certaines personnes. Et donc là, c'est tout à fait le cas. La maghrébine savait évidemment que une ribambelle de blanches, enfin de blancs rééduqués et de juifs allait lui tomber dessus, et donc elle n'a pas manqué de lui planter un coup de couteau dans le dos, dans la plus pure tradition maghrébine, afin de peut-être être calife à la place du calife, puisque je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'il y avait peut-être une liste. Donc si elle a écrit ça à sa numéro 2, la numéro 2, une fois qu'ils avaient gagné, potentiellement elle a voulu prendre la place. Je connais pas les détails, mais j'imagine, hein, une sorte d'histoire de ce style-là, tout comme on pensait que Kamala Harris trouverait le moyen de se débarrasser de Biden pour prendre sa place. Bah, là, c'est un peu pareil. Oui, tout à Alors, fait. typiquement, Jean, quand tu viens de parler des gens qui font des erreurs 404, quand il y a des mots interdits qui sont prononcés, j'ai pensé à ce passage, j'ai repensé à ce passage dans l'Assemblée nationale où le fameux député du Rassemblement national avait dit qu'il retourne en Afrique. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans les bancs de l'AFI, il y avait un député qui avait bugué, en fait. Il avait Oui, la bouche grande ouverte. je me rappelle, oui, je vois son visage, oui. Il est resté comme ça pendant 2 minutes, entre deux insultes, il n'en pouvait plus, quoi. Voilà, ça me fait rire. J'observe d'ailleurs le même phénomène, personnellement, quand j'emploie le terme métèque, qui d'ailleurs n'a pas seulement un sens péjoratif, c'est aussi un sens commun pour dire désigner les gens qui ne font pas partie de la cité. Et je remarque souvent que les gens, ils buguent. Ah non, ah non, Pierrot, tu peux pas dire métèque et tout. Bon, je ne vous cache pas que je dis ce que je veux, hein. Mais bon, c'est marrant. Ça commence déjà par ça, oui. Oui, bah, c'est la puissance du langage aussi, paradoxalement. C'est-à-dire que de transgresser les interdits permet de créer des crises, hein. Le mot nègre en particulier. Donc là, oui, il y avait qu'il retourne en Afrique. Là, c'était la même chose. Bon, là, il y avait un malentendu, mais c'est pareil. Mais là, c'est quand même un degré au-dessus parce que. Moi, j'aurais envie de poser la question. Parce qu'ils étaient tous d'accord, parce que je regardais les réactions en fait médiatiques. Alors, tout le monde disait, je regardais surtout les réactions des socialistes. Alors, il faut savoir que Olivier Faure, donc qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, a pris fermement position en dénonçant, etc. Et alors, je me suis dit, mais non, mais à quel moment ils vont articuler un semblant d'argumentation pour justifier leur position? Et ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne. Même pas le premier secrétaire du Parti socialiste a estimé nécessaire de s'expliquer. Il a juste dit, c'est odieux, c'est scandaleux, il faut que ça s'arrête immédiatement, je demande à ce que madame tire toutes les conclusions de trucs. Et moi j'étais là, oui d'accord, mais les conclusions de quoi? Et en fait, et c'était drôle parce que je regardais les journalistes, etc. Et ils étaient tous en train de s'enrager. Et personne disait, mais qui a été traité de macaque? C'est ça qui était génial. Et ils étaient tous racisme, insupportable. Et je me disais, mais est-ce que quelqu'un va commencer à utiliser un peu sa raison? Ah non, non, mais c'est on oublie. Hein, la raison n'est plus du tout convoquée. Hein, ça ne, c'est même pas jugé utile, quoi. C'est-à-dire que personne ne se pose la question, non. Et ce qui est drôle, c'est que la nana a démissionné, mais n'a pas cherché à défendre son cas sur le fond, en disant, mais attendez, j'ai utilisé le mot macaque, mais c'est pas adressé contre quelqu'un pour des raisons raciales, c'était pour m'amuser de mes concurrents. Alors bon, oui, d'accord, c'était pas très heureux, mais c'est une discussion privée, bon, je reconnais, c'était maladroit ou ça manquait de courtoisie, mais enfin, vous savez ce que c'est, dans ce genre de circonstances, j'étais content d'avoir gagné, bon, je présente mes excuses, j'aurais pas dû m'exprimer comme ça. Bon, ça s'entend, je veux dire. Mais elle a même pas dit, mais attendez, pourquoi vous m'accusez de racisme exactement là? Je sais pas, c'est apparemment, voilà. Alors, ce qui m'amène à poser une autre question, pourquoi ils font automatiquement l'association entre, bon, ils disaient des races, bon, on a bien compris que c'était plutôt les noirs, hein, voilà, mais pourquoi ils associent systématiquement, sans qu'il y en ait un dans le paysage, les macaques aux noirs? L'odeur, peut-être. Bah non, mais c'est un aveu en creux, quoi. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes automatiquement qui font l'association. D'accord. Ah bah, il n'y a pas que. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, s'ils étaient vraiment antiracistes, je veux dire, naturellement antiracistes, et qu'ils ne voyaient pas de race, pourquoi ils feraient automatiquement l'association alors qu'il n'y a pas de noir dans l'histoire? Pourquoi c'est le premier truc qui leur vient à l'esprit? Ça me paraît aberrant. Si quelqu'un me, je sais pas, traite quelqu'un de perroquet, je vais pas immédiatement penser aux tziganes, par exemple. Voyez, pourquoi ils font automatiquement l'association? C'est étrange, hein. Bon, voilà. Donc il y a beaucoup de refoulés là-dedans, je trouve. Et finalement, les réactions sont plus accablantes pour ceux qui les formulent que pour la Rombière, en fait, qui effectivement ne visait pas un groupe racial en particulier, pour autant qu'on puisse le savoir, en tout cas. Enfin, c'était comique, quoi. Diabolique, c'est. Mais je crois que Sarkozy. Vas-y. Ouais, vas-y, Pierrot. Je me souviens que Sarkozy avait fait la même réaction. Il était invité sur je sais plus quel plateau télé. Il y avait des juifs sur le plateau de télé, je veux dire, à part lui. Mais bon, ça n'aide pas beaucoup comme critère. Il parlait du bouquin Les 10 petits nègres. Donc, ils ont changé le titre. Et je crois que Sarkozy s'était embrouillé. Et il avait parlé, il a commencé un début d'explication. Il a dit oui, nègre, singe, etc. Il a bafouillé deux, trois trucs. C'était extrêmement, extrêmement malaisant. Oui, je me rappelle qu'il était là. Oui, on va quand même pas changer les titres et tout. Puis, oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle exactement ça. C'était pas très heureux. Mais, oui, c'est très drôle. Rubrique numéro 2, judéocratie. Je suis désolé parce que c'est un peu redondant. Et en même temps, c'est couplé avec la semaine internationale du droit des femmes. Donc c'est la journée du féminisme, en fait, cette semaine. C'était le 8 mars, et on nous l'a bien fait savoir. Hein. Alors, ceux qui n'étaient pas tout à fait au courant, ils l'ont su, ils en ont entendu parler. Et là, on a vu toute une série d'initiatives, certaines au niveau de l'État, d'autres... Enfin, il y a eu toute une série d'initiatives comme ça, très médiatisées. Il y a eu des manifestations, j'ai vu aussi des femmes folles, spontanément s'assembler dans les grandes villes françaises pour hurler qu'elles étaient des femmes. Apparemment, c'était pas tout à fait clair, hein, il fallait le préciser. Et alors, bon, c'est vrai qu'il y a eu tellement de... derrière tout ce bruit de femmes hystériques... solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Sauvez ma maman, sauvez ma maman, sauvez ma maman. Chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, miaou, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, miaou. On a quand même vu certains profils revenir avec force. Qui, vous serez très surpris de le découvrir, en plus d'être des femmes, sont des juives. Je tiens à dire en préambule, parce que les gens découvrent en fait qu'il y a des journées internationales de ceci, ça, et en fait, ils ne se cassent pas la nénette, c'est-à-dire ils ne vont pas voir pourquoi il y a une journée internationale de ça. Alors, déjà, quand, dans journée internationale... Il y a des juifs. Non, mais même, je veux dire, il y a le mot international. Et ça... Il y a des juifs, donc, effectivement. Oui, tout à fait, mais je veux dire... Il y a une petite musique, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est mondial, ça dépasse les frontières, c'est universel, et ça vous place déjà dans une perspective, c'est-à-dire une perspective d'unification planétaire, hein, ou mondialiste, globaliste. Et ça, il faut toujours le rappeler. Donc les journées internationales, elles sont d'abord internationales. Bien, c'est proclamé par l'ONU. Il y en a de toutes les sortes, hein, voilà. Ça aussi, ça donne une petite dimension, puisque l'ONU a été créée par les puissances victorieuses de l'Allemagne nationale socialiste et des puissances de l'Axe. Donc là aussi, c'est pas n'importe quelle structure qui prend les initiatives de ces journées. Il y a une perspective historique. Mais surtout, la journée internationale du droit des femmes, pourquoi a-t-elle lieu le 8 mars ? Eh bien, parce que c'est la première journée de la révolution d'octobre en 1918 en Russie, quand les bolcheviks juifs ont renversé le tsar Nicolas II. Enfin, il avait été renversé, mais ont renversé les sociaux-démocrates pour instaurer le pouvoir bolchevique. Et alors, le 8 mars est considéré comme étant la première journée de grève véritablement insurrectionnelle à Petrograd, donc c'est-à-dire dans la ville actuelle de Saint-Pétersbourg, et qui avait été initiée notamment par des ouvrières, d'accord, qui refusaient de continuer l'effort de guerre et qui voulaient mettre un terme à la guerre. Donc en fait, c'est le début de la révolution d'octobre, initié, en tout cas selon la mystique révolutionnaire léniniste, par des ouvrières donc de Saint-Pétersbourg. Et quelques années plus tard, Lénine décide de faire du 8 mars la journée internationale des femmes. Oui, mais dans une perspective bolchevique, révolutionnaire, d'accord ? Voilà, c'est pas des femmes parce qu'on aime les femmes, hein ? C'est bien dans une perspective particulière, arrêtée, d'accord ? Et c'est cette journée qui a été reprise. On se demande bien pourquoi, hein ? Vraiment, c'est étonnant quand même. Hein ? Donc en fait, c'est une journée marxiste. C'est une journée marxiste, voilà. Donc vous aurez une pensée pour tous ceux qui pourraient éventuellement être de droite, anticommunistes, sceptiques par rapport aux théories de la gauche sur tel ou tel point. Bah, si jamais ils sont tombés dans le panneau, bon, bah, vous pouvez un petit peu les déniaiser par rapport à ça. Donc ce n'est pas une journée neutre du tout, du tout, du tout, du tout. Alors bon, bah, on nous a pas donné notre avis, on nous a dit que c'était international, qu'il fallait s'aligner là-dessus, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. D'origine bolchevique. Moi, je n'ai pas souvenir d'une journée d'origine national-socialiste qu'on aurait consacrée dans le calendrier mondial. C'est dommage. Peut-être qu'il y avait peut-être des choses à creuser. Et donc, voilà. Alors, voilà, ça, c'était le cadre. Et alors, Macron a jugé utile de s'accaparer l'attention médiatique pour, d'abord, dire qu'il était lui-même féministe. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, qu'il entendait accentuer la nature féministe de l'État français, hein, et de sa constitution. Comment ? Eh bien, en inscrivant ce qu'ils appellent pudiquement l'interruption volontaire de grossesse, donc enfin, le fait de tuer son enfant dans son ventre durant la gestation, hein, voilà, un meurtre. Hein. Et pour cela, il a choisi de se placer sous la tutelle symbolique d'une femme. Oui, mais pas n'importe laquelle. C'est Gisèle Halimi. Donc, le 8 mars, quand Emmanuel Macron a voulu célébrer donc, cette journée internationale marxiste du féminisme, il a choisi une juive d'origine séfarade. Malgré les apparences, ce n'est pas lors de ce serment de 1949 que Gisèle Halimi endossa son métier. Car Gisèle Halimi n'était pas devenue avocate. Elle était née avocate. Et donc, il a dit, voilà, on va mettre l'avortement dans la Constitution. Apparemment, c'est extrêmement urgent. Alors, je voulais là-dessus, donc, vos réactions. Éventuellement, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur cette constitutionnalisation, éventuellement, sur la nécessité de se placer encore une fois sous la tutelle d'une juive? On avait déjà Simone Veil, ils ont dû se dire, oh là, mais tout le temps Simone Veil, c'est pas très... Et si on trouve autre chose, alors maintenant on aura Simone Veil et Gisèle Halimi, bon les deux, bon, on a une ashkénaze, une séfarade, voilà, il y en a un peu pour tout le monde, voilà, ça c'est de la vraie diversité. Qui voudrait, à brûle pour point, rebondir là-dessus? Alors, petite précision, Halimi, elle vient de Tunisie donc. Bon. Pas d'Algérie, pas de bon, c'est pas si grave. Par contre, elle est juive, hein, y a pas de doute, ça, là-dessus. Oui. Donc l'essentiel, c'est bon, est préservé. Alors, j'ai bien aimé finalement quand tu rappelles le caractère concret de la chose, parce qu'on parle de droit des femmes. Et ça peut être un beau terme, ça, droit des femmes. Quand on l'écoute, on se dit, ah, c'est intéressant, droit des femmes, dites-moi plus. Ouais, c'est qu'est-ce que vous voulez comme droit de femmes? Bon, on veut tuer des bébés, voilà, c'est ça, pour faire le lien quelque part. Hein. Droit des femmes, tuer des bébés, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais rassurez-vous, les féministes, c'est très évident pour elles. Bon, alors, Halimi, bon, alors, bougnoule juive, féministe, socialiste, pro-avortement et aussi pro-FLN, faut rappeler quand même. Oui. Les gens qu'on parle de la mettre au panthéon, là, à côté de la dépouille la Simone Veil. Donc voilà, on veut mettre au Panthéon des gens qui ont cautionné des terroristes, quoi, en fait, hein, qui tuaient des Français. Oui, il bon, faut expliquer. Faut, bien ouais, intéressant. Tu peux peut-être expliquer un peu là, le... parce qu'elle était avocate, elle défendait les activistes, les terroristes du FLN, mais peut-être que les plus jeunes auditeurs savent probablement même pas ce que c'est le FLN en fait. Alors le FLN, c'est l'organisation terroriste pendant la guerre d'Algérie qui s'occupait de dérouiller les Français, qui ne respectaient aucune loi de la guerre, qui faisaient de la guérilla, très très sale, hein. C'était vraiment aucune règle. Qui faisait du kidnapping, des assassinats, qui s'occupait du coup en plus pas seulement de cibler que les soldats, il ciblait aussi des civils. Et c'est intéressant de voir que dans ce sens-là, on peut, voilà, on peut cautionner des terroristes, c'est bon, il y a pas de problème, moralement ça se tient. Voilà. Et donc Halimi, elle faisait des déclarations, alors pareil, déclarations pour la paix, voilà, pour la paix. Ça c'est beau, c'est joli, hein. Puis quand on creuse, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est des déclarations pro-algériennes, pro-FLN, pour justifier finalement l'assassinat des soldats, et pas seulement des civils français qui étaient installés en Algérie. C'est intéressant, voilà. Alors moi, d'ailleurs, je m'en profite pour dire, donc, je disais en début d'émission, je ne suis pas mort, d'accord? Un jour, ça va arriver, par pitié, ne m'enterrez pas au Panthéon, à côté de ces gens-là. Je vous en supplie. Je rassure toi, je pense que t'es pas tout en haut de la liste. Des candidats, hein. À mon avis, ils ont d'autres noms en tête. Mais le Panthéon, ça devient très intéressant. J'ai vu, je sais plus qui récemment était très énervé contre le Panthéon. Oui, c'était, ça m'a étonné. C'était Francis Huster, c'était cet acteur que vous connaissez bien, dont je partage pas les idées, parce que de règle générale, il est de gauche, hein, je veux dire. Puis même assez politiquement correct. Mais il s'est emporté, mais en disant c'est scandaleux, le Panthéon. Ça commence uniquement avec la République. Voilà, c'est réservé au... Parce qu'il dit, voilà, il faudrait honorer les grands hommes de l'histoire de France, et pas uniquement les grands hommes qui ont conforté l'avènement du régime républicain, disait-il. Il disait, voilà, la France commence pas avec la République. Bon, alors, quand vous dites ça en France, et quand vous dites, voilà, l'histoire ne commence pas avec la République, il y a beaucoup de gens à qui ça déplaît énormément, hein. Donc voilà, donc c'était intéressant. Et effectivement, le Panthéon est un bon, déjà c'est un monument, enfin détourné de sa fonction, qui sert en fait à glorifier le régime et uniquement le régime. Alors le truc qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution de l'idéologie associée au régime, parce que ce qu'on met derrière le mot république, ça évolue avec le temps, hein. Parce que bon, entre les... Alors bon, il y a des connexions, mais enfin quand même, les premiers républicains de la Troisième République seraient probablement assez étonnés de découvrir qui se revendique de leur régime aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y en aurait quelques-uns qui écarqueraient les yeux un petit peu quand même. Bon, peu importe. Mais sur le cas Halimi, c'est intéressant parce que c'est symptomatique de l'évolution de ce qui est perçu comme républicain. Et sachez qu'en dehors de cette perception, vous n'êtes plus républicain. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est de plus en plus anti-français. Assumé, je veux dire. Et le cas Halimi, c'est caractéristique, comme tu l'as très très bien souligné. Donc voilà une femme d'origine juive, tunisienne, enfin nord-africaine, qui prend fait et cause pour les Nord-Africains durant la guerre d'Algérie. Bon, c'est son choix. En tant qu'avocate, en plus. D'ailleurs. Oui, en tant qu'avocate, elle exerce et qu'elle défend comme client des membres du FLN. Quoi. Tout à fait. Alors, bon, très bien, c'est son choix à l'époque. Bon, oui, mais le problème, c'est qu'ensuite, elle vient vivre en France. Elle ne reste pas en Tunisie. Elle ne va pas s'établir en Algérie. Donc c'est des gens qui vous disent c'est insupportable, il faut libérer l'Afrique du Nord, il faut en finir avec la colonisation, hein, voilà. Issa Kokine, comme beaucoup à l'époque de marxistes, parce que le Parti communiste était le spécialiste de ça, de l'appui direct aux insurgés algériens, y compris les plus compromis des actions sanglantes contre des civils, parce qu'il faut préciser, il y avait des actions sanglantes commises contre des civils, aveugles, hein. Et ils disent, oui, mais bon, c'est pour la bonne cause, etc., il faut le faire. Et moi, je dis, ici, parce que c'est intéressant, que, donc, il y a eu un... ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, le FLN, progressivement, et c'est lié, évidemment, à la dynamique migratoire, devient, non pas une composante hostile qui a combattu des Français et des soldats et l'armée française et, excusez-moi, la Ve République de Charles de Gaulle. Parce qu'on l'oublie un peu vite, mais Charles de Gaulle est venu au pouvoir lors de la guerre d'Algérie en 58. La guerre s'est terminée en 62, mais Charles de Gaulle, en tant que président de la République française, le premier président de la Ve République, a mené la guerre au FLN. Donc, les valeurs de la République, moi je veux bien, mais enfin, il faut bien comprendre que durant cette guerre, c'était des ennemis non seulement de la France, bien sûr, de l'armée française, mais aussi de la Ve République et de Gaulle, qui est cité en référence absolue de l'antifascisme par tout le monde, y compris à gauche aujourd'hui. Donc c'est quand même assez marrant de voir que, finalement, aujourd'hui, le FLN est complètement blanchi, y compris de ses actes, mais en France, hein, et au plus haut niveau de l'État. Au plus haut niveau de l'État. C'est pas dans les marges de la gauche ou de l'extrême gauche, ça c'était assez commun. Maintenant, c'est carrément au niveau de l'État. Et par quel biais? Eh bien, par Halimi. Et pourquoi on le sait? Parce que Macron, dans un de ses tweets, donc, président de la République en fonction, parle de Gisèle Halimi. J'ai donné un exemple de tweet, là. Hein. Il dit, voilà, Maître Halimi, notre République est grâce à vous plus libre, plus vive, plus juste. Nous continuerons à porter vos combats. Donc ça, c'est son tweet. Et là-dessous, il y a une photo d'Halimi. D'ailleurs, il dit bien Maître. Donc c'est sa qualité d'avocate qu'il retient. Et c'est bien, donc, son engagement en tant qu'avocate pour les militants du FLN, qui, comme je l'ai dit, ont combattu la Ve République de Charles de Gaulle. Et ça, c'est Macron. Donc ça, c'est révélateur. C'est-à-dire que des gens qui ont activement combattu la France deviennent des héros de la République française. Alors, ça devient quand même particulier. Vous êtes d'accord avec moi? Ça devient quand même très particulier. Hein, très, très, très, très, très. Et la droite républicaine, les gens les plus, on va dire, légitimes à se réclamer de Gaulle actuellement, donc le parti Les Républicains actuellement, applaudit dès demain. Hein. Ils sont à fond. Hein. C'est très drôle, quoi. Alors, et moi, du coup, je veux rebondir parce que c'est ce qui s'est passé avec les terroristes en 1945. Là, récemment, ils ont fait tout un pataquès sur la fiche rouge avec Manouchian. C'était un groupe terroriste tout à fait particulier du Parti communiste. Le Parti communiste avait été interdit en France, non pas par les Allemands, non pas par Vichy, mais par la Troisième République en septembre 1939, pour intelligence avec l'ennemi. Pourquoi ? Le Parti communiste français, à l'époque, applique la ligne de Moscou, qui est une ligne de soutien objectif à l'Allemagne nationale socialiste, donc d'Adolf Hitler, dans le cadre du pacte Ribbentrop-Molotov, qui était signé en août 1939. Donc, il y a un accord de non-agression mutuelle, ce qui libère les forces allemandes pour attaquer l'Ouest. Et à ce moment-là, le Parti communiste, qui est évidemment la cinquième colonne de Moscou en France, est interdit par la Troisième République, qui a bien compris que ces gens-là allaient tout faire pour faciliter l'avance allemande, dans le cadre de ce pacte stratégique. Et c'est ce qui se passera d'ailleurs, puisqu'un certain nombre de communistes procéderont à du sabotage du matériel de guerre français dans les usines avant la défaite des Français contre l'Allemagne. D'accord ? Donc ils ont été jugés par des cours martiales françaises de la Troisième République et condamné à mort, il faut le savoir. Hein. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il a été interdit. Donc, il est clandestin à partir de ce moment-là. Après coup, comme la guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique est déclenchée en juin 1941, le Parti communiste, qui est toujours clandestin, décide de s'en prendre aux Allemands sur le territoire français, mais uniquement pour porter secours à l'Union soviétique. C'est pas pour libérer la France, attention, c'est pour porter secours à l'Union soviétique, c'est pour rendre plus complexe l'activité militaire dans toute l'Europe. Et ils vont pas faire ça qu'en France, ils vont faire ça partout où il y aura des partis communistes. Donc il faut bien comprendre ça, c'est une grande nuance. Or, ce qu'ils vont faire, ces communistes, c'est qu'ils vont présenter leur action insurrectionnelle comme étant la preuve de leur patriotisme français. C'est absolument faux. C'est par patriotisme de classe, par patriotisme soviétique. Et ça, c'est très important à comprendre. Malheureusement, trop peu de gens le savent. Alors du coup, on a eu tout un ramdam sur le Manouchian, là, encore. C'était un groupe qui émanait, donc le groupe Manouchian émanait d'une structure un peu plus large, clandestine et terroriste, qui s'appelait les FTP, Frontières Partisans, MOI, main d'œuvre immigrée. Elle était très largement composée de juifs ashkénazes, originaires de Pologne, de Roumanie, d'Europe centrale en général, qui étaient les cadres du bolchevisme clandestin à ce moment-là, et aussi de quelques Italiens rouges, réfugiés en France, ayant fui l'Italie de Mussolini, de quelques Espagnols rouges, ayant fui l'Espagne de Franco, et un ou deux, ici ou là, Français, très très peu. Donc c'est important à saisir, parce que ce sont donc des militants bolcheviques qui agissent dans le cadre d'une insurrection de soutien à l'URSS de Staline, qui sont des éléments internationaux, hein, d'accord, Manouchian, lui, est arménien, mais la plupart sont des juifs. Ils sont arrêtés et fusillés parce qu'ils ont semé la terreur partout en France. Ils tuent à l'aveugle. Il y a des Français qui sont assassinés par ces gens, etc., qui ne sont pas du tout des collaborateurs, je veux dire. Et donc, ils sont neutralisés, arrêtés et fusillés. Et c'était bien normal. Et là, à la libération, le Parti communiste obtient évidemment, alors non seulement d'être blanchi, Maurice Thorez peut revenir de Moscou après la négociation entre De Gaulle et Staline. On blanchit vite fait le Parti communiste qui est présenté comme une force ultra-patriotique, alors que c'est faux, c'est un ramassis de traîtres internationaux, depuis le départ. Et ces terroristes qui avaient tué des Français, tout d'un coup, deviennent des héros. Victimes de la barbarie nazie, vous connaissez le truc. Et comment dirais-je, c'était extraordinaire comment les terroristes de 1943, de 42-43, deviennent des héros qui ont libéré la France. Et alors, dans les éléments de langage qui ont été utilisés par la presse actuellement, hein, à cette occasion-là, c'était il y a une dizaine de jours, hein, ils disaient « Ah ben oui, mais il valait tellement mieux que les Français de souche qui s'étaient ralliés à Pétain, etc. » Alors voilà, donc, comme il y avait 98% des Français qui s'étaient ralliés à Pétain, vous avez compris qu'il ne restait pas beaucoup de Français de qualité selon la presse française. Hein. Voilà, donc on vous expliquait, voilà, les immigrés, ils sont tellement plus patriotes que les Français. Hein, et puis regardez, hein, en plus, hein, regardez comment ils tuent bien quand même ces gars-là. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà des Français comme on en voudrait plus. Ah bon, bah d'accord. Et là, bon, bah ces connexions avec Halimi, les mêmes sources. Hein, le Parti communiste va aider de la même façon le FLN. Hein, de toute façon, donc, dès qu'il s'agit de faire assassiner Français, le Parti communiste est présent. Hein, voilà. D'ailleurs, ils sont cul et chemise avec les islamistes, donc on a bien compris. Et je trouve ça fascinant. Et donc voilà, on est maintenant à toute vitesse dans la réhabilitation du front du FLN. Y compris dans ses actes les plus barbares, y compris en France, parce qu'on oublie trop souvent que le FLN a commis des actes de terrorisme contre d'autres maghrébins qui n'étaient pas sur leur ligne en Ile-de-France, c'est-à-dire leur principale activité en Ile-de-France, d'assassiner d'autres maghrébins qui pour X raisons, leur déplaisaient. Et ça s'inscrit dans même ce que fait Macron avec Benjamin Stora, vous savez, le juif Stora, qui essaye d'imposer la version du FLN de la guerre d'Algérie. Et je vous rappelle que Macron a dit, ça c'est marrant quand même, parce que tout le monde l'a oublié, il a dit que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Avec toutes les... Et en ce moment, vous avez entendu Macron aussi, parce qu'ils sont tous en train de dire qu'il va falloir... ils sont même d'accord, je crois. Ils ont dit qu'ils vont mettre en place une... J'en finis, hein, mais... Ils vont mettre en place une juridiction internationale pour juger les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine, c'est soutenu par la France, hein, par le gouvernement français, crime de guerre et même crime contre l'humanité. Hein, donc on nous fait comprendre que c'est d'actualité. Alors moi je me dis, bah oui, mais du coup, où sont, puisque si j'en crois à la parole de Macron, qui décidément ne sait plus quoi faire pour aller au-devant des désirs du gouvernement algérien actuel, où sont les procès de militaires français ayant commis des crimes contre l'humanité en Algérie, puisqu'il n'y a pas de prescription. Pas de prescription, donc où sont-ils? Moi j'attends les tribunaux que des enquêtes soient ouvertes alors. Il y a les bons crimes de guerre et les mauvais crimes de guerre, Gandalf, tu vois. Quand la fameuse, entre guillemets, résistance française tue des civils français, c'est des crimes de guerre gentils, voilà. Si c'est des Allemands ou des Russes, c'est des crimes de guerre méchants. Rien à voir. Ah non, mais bon, c'est... Voilà, alors bon, là, le Panthéon, effectivement... alors on s'écarte un peu, mais enfin... Ça pose quand même, je pense que ceux qui nous écoutent là par exemple, entre pourquoi le 8 mars pour la journée internationale dite du droit des femmes. Bon, ils ont dit, ah tiens, il y a le marxisme, le léninisme, la Russie bolchevique, ok. Halimi, bon juif d'accord, mais en plus pro-FLN, etc. J'ai cité Manouchian, je m'écartais un peu, mais c'était pour expliquer comment on pouvait, comme ça, simplement d'un coup de baguette magique, médiatique ou institutionnelle, transformer des gens qui sont unanimement condamnés comme des terroristes en héros de la libération. Alors attention, parce que du coup, peut-être que Monsieur Abdeslam va peut-être connaître un parcours similaire, peut-être qu'il va être libéré un peu plus tôt que prévu, et au final, est-ce que il voulait pas défendre ses frères qui étaient victimes de la barbarie française en Syrie, parce que bon, ils bombardaient des civils, je sais pas moi, mais tout est possible. Abdeslam au Panthéon, voilà. Santo subito. Santo subito. Jean, éventuellement là-dessus, sur tout ça, alors, ou alors sur l'IVG, peut-être toi plutôt, la religion de l'IVG, parce qu'on va non seulement sanctifier Halimi, mais on va aussi graver dans les tables de la loi républicaine le droit d'empêcher les enfants blancs de naître. Ok, tout se passe bien. Oui, alors ça va tout à fait dans le sens, de toute façon, de la République juive, puisque on sait que l'IVG, le sacrifice d'enfants, a fortiori à naître, puisque un enfant à naître est particulièrement innocent, fragile et dépendant, fait partie intégrante de la religion juive, puisque quand là il y a eu la décision de la Cour suprême américaine de casser l'acte des années 70 qui permettait à échelle fédérale de défendre l'IVG, enfin d'autoriser l'IVG sur le territoire américain, les juifs se sont dressés de toutes parts pour dire que c'était un scandale, puisque ça faisait partie de la liberté religieuse pour eux de pratiquer des IVG. Donc, visiblement, y a une relation intégrale entre les juifs et le fait de sacrifier des enfants. Donc, tout s'applique bien. Le monde tourne bien rond quand on voit que quand il s'agit de parler du droit des femmes et du droit des femmes de tuer leurs enfants, on en appelle à une juive particulièrement laide et vindicative d'ailleurs. Et puis bon, pour revenir à ce que tu disais sur la résistance, j'indiquerai un travail qui a été fait par le professeur Forisson dans les années 90, qui est disponible dans les revues d'histoire révisionnistes. Il me semble que c'est la numéro 2 ou la numéro 3. De toute façon, il n'y en a eu que 6, elles ont été interdites ensuite. Mais il a fait un travail sur la résistance en France, qui est malheureusement incomplet. Il a fait qu'une partie, mais il allait sur le terrain, c'était un homme de terrain, et il allait voir les prétendus anciens résistants. Et notamment, dans cette étude, il relate l'affaire d'une jeune Française qui était chef ten scout. Et elle s'est faite arrêter par les communistes, je pense tous des bandits, en fait, probablement une grosse partie d'étrangers, comme tu le soulignais bien. Et donc, ils l'ont exécuté dans sa robe de mariée après l'avoir séquestré quelque temps, parce qu'ils avaient fait l'association chef ten scout avec chef de centaine de la milice. Donc, ils avaient cru que comme elle était scout, elle était dans la milice et donc qu'elle travaillait pour Pétain. Enfin, des associations qui leur ont permis de décider, bon, elle mérite de se faire tuer dans sa robe de mariée. On voit bien la qualité de ces gens, une fois de plus, qu'on nous présente encore aujourd'hui. On fait appel à cette mythologie résistentialiste, oui, comme si ces gens étaient parés de vertus, de grandes âmes qui avaient lutté contre ces salauds de nazis, alors qu'en fait, c'est tout le contraire, c'est vraiment les pires bandits, la lie de l'humanité, le fond du caniveau qui a lutté contre le meilleur de la race blanche, qui se battait pour son avenir et qui attaquait des pauvres gens comme ils savent bien faire toujours. Oui, ça c'est sûr, hein, ils ont... Comme les Arabes d'ailleurs, hein, ils aiment bien attaquer à 10 contre 1, plus leur victime est faible, plus c'est leur truc. Oui, un peu dans le même genre, la fondation du MRAP était très intéressante. C'est lié à la décolonisation, donc le MRAP, le mouvement, au départ c'est le mouvement pour l'amitié entre les peuples, et ensuite c'est devenu le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui fut un temps d'ailleurs présidé dans les années 2000 par Mouloud Aounit, hein, qui était un effroyable Algérien doublé d'un alcoolique d'ailleurs. Et alors, ils persécutaient je ne sais combien de nationalistes, les traînaient devant les tribunaux avec leurs lois qu'ils ont écrites eux-mêmes, hein, loi Pleven et j'en passe, et des meilleures. D'ailleurs, loi antiraciste qui a été pensée par l'Union soviétique et ses États satellites au niveau de l'ONU. et qui a été rejoint par la France gaulliste en 65 pour créer cette base légale qui ensuite devait se décliner dans les différents droits nationaux. Donc en fait, les lois antiracistes qu'on connaît aujourd'hui ont été générées à l'ONU. Vous voyez, ça revient on part toujours du même endroit, ça vient toujours... Il y a toujours une origine marxiste et révolutionnaire derrière cela, enfin révolutionnaire juive, et de manière très intéressante, le gaullisme finit toujours par contribuer au crime, quoi. C'est toujours intéressant. Et le MRAP, dans sa fondation, donc c'est une émanation, c'est une sécrétion du Parti communiste en 47. Et c'est la grande stratégie de activistes d'accélération de la décolonisation. Donc il s'agit d'abattre l'empire colonial français, mais sur le front intérieur, sur le front métropolitain, en France. Et alors dans sa fondation, il y a un grand meeting, tout ça est disponible, vous pouvez le voir en ligne. D'ailleurs, c'est du matériel pédagogique destiné aux professeurs français qui veulent éventuellement s'en servir pour leur classe. Et alors, on montre cette fondation. Et alors, ce défile à la tribune, uniquement des juifs, mais uniquement des juifs à accent effroyable. Ils sortent de leur ghetto, ils sont particulièrement laids, gorgés de haine, absolument déchaînés, et ce sont vraiment des bolcheviks. Et c'est la scène est absolument incroyable, donc ça se passe à Paris. Hein. Et alors, dans la salle, ils ont à peine pris la peine de d'écrire quelques slogans en français, la plupart des slogans sont en yiddish. C'est sur les hauts des tribunes, vous pouvez voir, hein, le public était convoqué là, il me semble-t-il que c'est une sorte de théâtre, et ils avaient donc déployé des grands slogans partout, voilà, donc ils avaient la lutte contre le racisme, le nazisme, ça revenait constamment. Et alors, c'est carrément en yiddish, c'est écrit en yiddish. Ils sont même pas fait chier, ils ont dit, voilà, bon, on est entre nous, voilà, au moins on va mettre nos slogans dans notre langue, au moins on va se comprendre, quoi. Et voilà, il y a un nègre qui passe à la tribune, alors il parle en plus ou moins, c'est vaguement des étudiants africains, déjà, on est à Paris en 47, hein. Alors ils disent, oh là, le racisme, bon, ça l'allait pas, il y a quelques bicots qui défilent, etc. Donc, la machine était lancée. La machine antiraciste, pro-immigration, etc. Et c'était les juifs qui étaient à la manœuvre. Donc, on est toujours dans la même trame, hein, voilà, vous avez, donc je le précise parce que c'était très révélateur. Alors là, on est dans l'IVG, ben, en fait, l'IVG, c'est la traduction concrète de cette politique. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire, oui, il y en a marre du racisme, ça. Au bout d'un moment, si on veut pas qu'il y ait de ce qu'ils appellent de racisme, s'il faut pas qu'il y ait de blancs dans des pays blancs, ben, au bout d'un moment, il faut peut-être les tuer, non? Donc voilà, donc on va faire des législations qui vont détruire la natalité blanche. Donc c'est cohérent. Oui, parce que l'avortement est vraiment dirigé directement, enfin c'est un des outils directement dirigés contre les blancs, il n'y a pas que celui-là, mais l'homosexualité, l'avortement, le célibat, les blancs sont majoritairement touchés par ces fléaux, les Africains assez peu. Bien sûr, tout à fait, ouais. Et alors, je voulais vous solliciter là-dessus aussi, c'est que, donc au moment où on est là dans cette espèce d'exaltation par Macron, de cette nouvelle figure tutélaire du régime qu'est, que serait Halimi, on est en plein débat sur les retraites. Et là, c'est la juive Elisabeth Bornstein qui se dit une survivante de l'Holocauste. C'est intéressant, je ne savais pas. Elle a dit qu'elle avait survécu à l'Holocauste. Oui. Par filiation, non? Oui, c'est ça, ça se transmet de père en fils, c'est intéressant. Mmh. Et alors, elle se précipite pour dire, mon Dieu, mais on ne peut pas, rendez-vous compte, il faut absolument faire passer cette... C'est vital, hein, c'est vital pour la France, il nous faut... cotiser jusqu'à 64 ans. J'ai noté d'ailleurs que Robert Ménard a une connexion avec l'Algérie aussi, si vous observez, et avec les Juifs, c'est marrant. C'est trop peu. Lui veut 67 ou 70 ans, je ne sais plus combien il veut. Enfin, il trépignait sur les plateaux de télévision en disant que c'était trop peu. Il fallait soutenir, mais enfin, quand même, c'était pas suffisant. Hein. Il fallait quand même que les gens travaillent beaucoup plus longtemps. Et je suis assez surpris du fait que du télescopage. Mais que personne ne relève le télescopage. C'est-à-dire le télescopage entre, d'une part, ce féminisme obligatoire qui nous dit, voilà, on va mettre l'IVG dans la Constitution, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour qu'il y ait moins d'enfants qui naissent en France, premier truc, bon, évidemment, blanc, c'est sous-entendu, mais on l'a bien compris, mais qu'il y ait moins d'enfants qui naissent, et de l'autre, mon Dieu, c'est terrible, il n'y a pas assez d'actifs, il n'y a pas assez d'enfants, comment on va faire ? Ah bah, il faut faire trimer les blancs plus longtemps, il faut qu'ils bossent beaucoup plus longtemps, parce qu'évidemment, c'est pas Mamadou et Mokhtar qui vont bosser plus longtemps, ça vous l'avez compris aussi. Hein. Qui vont bosser tout court déjà. Et voilà, c'est tout à fait. Donc, et bizarrement, personne ne te dit, mais c'est bizarre ça, si c'est un si grave problème, si notre système de retraite auquel on tient tant voilà, est en danger, bah pourquoi on se déchaîne pas pour faire, pour au contraire, inverser cette baisse de la natalité. Pourquoi on n'essaye pas d'encourager les femmes à avoir des enfants et personne n'a relevé ce truc. Et je me dis, ben, là, le système montre en fait ses limites dans une certaine mesure. Enfin, même si c'est dans son cynisme, on sent bien qu'il y a des intentions cachées quand même. Mais si on s'en tient purement au discours officiel, d'un côté, il faut absolument, c'est vital, maintenir le système de retraite par répartition et travail, et comme il y a beaucoup pas assez d'actifs, faire travailler les gens beaucoup plus longtemps parce que c'est l'objectif du régime, il faut qu'il y ait un système de retraite par répartition, ça c'est dû. Et de l'autre, encouragement à l'aggravation des conséquences du défaut d'actifs en sacralisant l'avortement, alors que je précise quand même qu'il y a 230 000 avortements en France aujourd'hui, c'est 30 avortements pour 100 naissances aujourd'hui en France, c'est considérable, je veux dire. Alors si on cherche des actifs, bah, j'ai envie de dire, mais ils sont sous nos yeux. Et non. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ce chassé-croisé étrange ? Alors, il te manque un élément dans ton équation, Gandalf. Alors, du coup, il faut plus d'actifs, mais on est en train de les tuer. Qu'est-ce qui nous manque ? Quelle est la rhétorique manquante ? Eh bien, je vais te la dire. Il faut des migrants pour payer les retraites. Il faut plus de migrants. Voilà. Ah. Nous, quand on parle de grands remplacements, on nous dit que ça n'existe pas. Puis après, on nous dit, en fait, si, un petit peu, mais c'est génial. C'est génial, il faut plus de migrants. En fait, ça marche tellement bien, il en faut plus. Voilà. Ça n'existe pas, mais c'est génial. C'est un peu schizo, mais voilà. C'est ça la solution. Voilà. Alors, c'est génial, ouais. Et vous pouvez rien faire pour lutter contre aussi. Ça, ils nous disent, de toute façon, on peut pas fermer les frontières. C'est plus possible aujourd'hui. C'est normal que les gens passent d'un pays à l'autre. Ah bah avec le Covid, on a vu que c'était possible. Hein. Alors là, ça a mis 48 heures, hein, cette affaire. Hein. Étrange, hein, c'est étrange. Alors, ouais, plus de 200 000 avortements annuels, c'est catastrophique. C'est des chiffres, j'arrive même plus à les comprendre. Ça a voilà, d'un point de vue quantitatif, donc je viens de le dire, d'un point de vue qualitatif aussi, c'est néfaste, c'est très néfaste. Parce que l'âge moyen de la première grossesse, ben, il recule aussi. On est au-delà de 30 ans pour la première grossesse, donc en termes de qualité de la nouvelle génération, ça a un impact énorme, parce que plus la femme qui accouche augmente en âge, plus elle a le risque d'enfanter un enfant qui pourra avoir des difficultés, des patrimoines génétiques plus faibles. Typiquement, la trisomie 21, par exemple, c'est bon, après une grossesse à 40 ans, c'est pas courant non plus, mais ça devient de plus en plus courant maintenant. Parce que là, on a une moyenne d'âge, comme je l'ai dit, de première grossesse à 30 ans, mais c'est qu'une moyenne, donc il y a forcément des gens qui sont en dessous et au-dessus. Oui, tu parles bien de la donc, première grossesse, tu dis bien la première grossesse. Au-dessus de 40 ans, c'était rare, mais ça se... Oui. Parce que c'était pas si rare pour, même par le passé, je veux dire, mais genre plutôt pour une dernière grossesse, je veux dire, ça arrivait, je veux dire, dans les familles nombreuses, d'avoir une femme de 41, 42, 43 ans qui avait une grossesse tardive. Moi j'ai eu le cas dans ma famille, je veux dire, mais là je vous parle de ça, c'était avant même la Deuxième Guerre mondiale, mais on était sur des familles très nombreuses, mais ça arrivait, je veux dire, quand même. Mais toi tu parles bien d'une première naissance. Première grossesse, ça change tout, la femme en tant que, on va dire, élément purement biologique, c'est un être assez complexe, il y a des capacités d'adaptabilité. Bon, on va pas rentrer dans les détails dans l'émission là, parce que sinon ça va durer des heures et des heures, mais ça, en tout cas, c'est un impact énorme sur la qualité de nouvelle génération. Je reviens à cet exemple de la trisomie 21. C'est un des rares déficits génétiques qui est à peu près égal, en termes de, si on a la génération égale, entre les différents pays du monde. Voilà, c'est à peu près le même taux. Pourquoi vous ne voyez pas, par exemple, de trisomique africain? Parce que déjà, c'est des gens qui ont des enfants très tôt, premièrement. Donc, du coup, le taux d'incidence est beaucoup plus faible. Et lorsque ça arrive en Afrique, bah, le trisomique, tout simplement, il ne survit pas, parce que la charge est trop importante. Voilà. Oui, alors que nous, on l'a dit. Ouais, mais ça, c'est de toute façon, ça a été fait dans l'histoire de l'humanité énormément, hein. Les éthologues, Konrad Lorenz et ainsi de suite, ont pas mal écrit là-dessus sur le fait que les premiers groupes humains de 30 à 40 personnes, qui les chasseurs-cueilleurs, ils s'embarrassaient pas de tarés génétiques. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, il y a un problème. Enfin, c'est dans le sens de l'évolution, c'est que les tarés génétiques apparaissent quand on n'a pas assez de brassage. On sait bien que ça arrive beaucoup avec les populations maghrébines, mais c'est aussi l'absence de brassage est une condition nécessaire à la sédimentation raciale, c'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment des traits spécifiques qui apparaissent, il y a une sorte de chassé-croisé entre l'apparition de tares et aussi le fait de se débarrasser des tarés génétiques, et aussi enfin, ça va dans le sens de l'évolution, quoi, de rester entre soi, mais ça crée des problèmes. Mais il y a un autre problème, Pierrot, pour revenir à ces histoires d'avortement dont on parle absolument jamais, c'est l'impact de la pilule contraceptive sur la natalité et sur la fertilité des femmes, parce que c'est une bombe hormonale que les femmes prennent chaque jour. Qui détruit leur corps, littéralement, ça met leur possibilité d'enfanter en question, parce qu'il y a beaucoup de femmes, une fois qu'elles arrêtent, après 10 ans de pilule, sachant qu'on donne maintenant la pilule à des gamines de 14-15 ans, voire encore plus jeunes, elles prennent la pilule 15, parfois 20 ans, et après elles n'arrivent plus à tomber enceinte. Et évidemment, il n'y a pas d'information qui est donnée aux jeunes filles à ce sujet-là. Parce qu'on veut pas qu'elles enfantent, on veut que les jeunes blanches couchent sans enfanter. Et ça, je pense que c'est encore. J'ai tendance à penser que c'est encore plus grave, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas forcément des avorteuses, mais qui prennent la pilule pendant longtemps, qui aimeraient bien devenir mère de famille et qui arrivent pas, ou qui arrivent avec avoir difficilement un seul enfant, ce qui était potentiellement pas leur objectif. Donc, je pense qu'il y a un gros souci à ce niveau-là dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire que le planning familial, alors je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean, le planning familial distribue les pilules contraceptives comme si c'était des bonbons. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes filles, même de très jeunes filles, qui prennent la pilule contraceptive, alors qu'elles sont sexuellement inactives, simplement pour avoir des règles régulières. Ce qui d'ailleurs, d'un point de vue purement fonctionnel, ça marche. D'accord? Ça marche pour avoir des règles régulières. Mais ça a une incidence sur le taux de fertilité à venir. Voilà. Ça, bien sûr, panique familiale, on parle beaucoup moins, quoi. Donc c'est un Sans risque parler énorme. des cancers, les cancers du sein, tout un tas de complications qui sont évidemment jamais reliées, comme avec les vaccins. D'ailleurs, on relie jamais les vaccins avec des problèmes de santé ultérieurs, comme par exemple les épidémies du bronchiolite qu'il y a eu l'hiver dernier. Personne fait le lien avec les vaccinations de la mère Buzyn, qui ont été rendues obligatoires il y a 1 an et demi, il me semble, ou 2 ans. Ce qui se passe après, c'est que les gamins, ils ont une immunité désastreuse, puisqu'on leur a essayé de leur injecter des merdes dans le corps, ce qui fait qu'ils ne se construisent pas correctement. Donc c'est un empoisonnement généralisé, et bon, étrangement, il y a toujours les mêmes. Je suis assez dubitatif. Alors, en parlant de Buzyn, juste une petite nouvelle, parce que c'est quand même une bonne nouvelle. Je tiens à préciser que justement, pour cette journée de la femme, elle a reçu la Légion d'honneur de la part d'Emmanuel Macron. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Et puis, là, autre élément positif, parce que là, on a dit des choses assez négatives depuis le début de ce sujet. Il y a quand même des éléments positifs. Il y a un hôpital qui marche très très bien en France pour les nouvelles générations. C'est Oui, l'hôpital de Mayotte. Voilà. tout à fait. Qui est financé avec votre pognon. Rassurez-vous, ça crache, hein, ça envoie à Mayotte. Il n'y a pas de problème, il y a plein de nouveaux Français qui arrivent. C'est vrai, j'ai d'ailleurs lu dans la presse de Mayotte que l'île avait battu son record de natalité pour une nouvelle année consécutive. Ils approchent à présent des 11 000 naissances. Ils n'y sont pas encore tout à fait, je crois que c'était 10 700 et quelques. Mais on s'approche des 11 000, alors ça vous donne une petite perspective, puisque en une décennie, on va arriver à un rythme qui sera d'à peu près plus de 100 à 150 000. C'est une courbe, c'est pas exponentielle, mais enfin, en tout cas, ça progresse bien. Et alors, les perspectives sont absolument effrayantes, hein. C'est une île qui va être surpeuplée. Enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est un puits sans fond. Donc, ils sont en train de construire un deuxième hôpital à Mayotte. Alors ça me faisait rire parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rapport récemment qui est sorti, je crois qu'il émane de je ne sais plus quel service en France, bon bref, et j'ai oublié, c'est un conseil, enfin encore un truc administratif quoi, de la haute fonction publique, il dit voilà, mais on gaspille de l'argent en France, c'est plus possible, il va falloir fermer des maternités, et dans les zones dites rurales, ou en tout cas, où, en fait c'est des zones de peuplement blanc en réalité, hein. Donc typiquement, près des sous-préfectures, etc., vous avez encore des services de maternité. Et ils disent, voilà, il faudrait en fermer une centaine sur tout le territoire français. Hein. Alors évidemment, c'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? C'est parce que, évidemment, les couples hein, qui veulent s'installer quelque part pour fonder un foyer, ils regardent plusieurs choses. Est-ce qu'il y a une école dans la commune? Ça, c'est une chose. Où sont en fait les facilités les plus proches hein? Et aussi, bah, une maternité, c'est-à-dire, est-ce que je dois faire 1h30 de route ou est-ce que je dois faire 30 minutes de route? Vous voyez, bah, ça joue beaucoup. Et les jeunes parents, ils n'ont pas envie de faire des allers-retours, enfin, imaginez, hein, 1h30, ça, bon, voilà, ils disent, bon, bah non, on va être au plus près. Donc, on voit bien qu'il s'agit de démanteler les services publics qui existent depuis très longtemps dans ces territoires. Mais on nous dit, c'est plus possible, on n'a plus les moyens, il faut couper. Donc, on va fermer de ces maternités. Apparemment, on ne sait plus faire. Hein, voilà, on ne sait plus faire. On ne sait plus accoucher les femmes dès lors que ce sont des territoires périphériques qui ont tendance à voter un petit peu Rassemblement National, un peu hostile à l'immigration quand même. Hein. Bon, est-il bien nécessaire de dépenser tout cet argent avec ces gens ingrats? Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est le point de vue du pouvoir central à Paris. Et ils ont dit, voilà, il faut couper ci, il faut couper ça. Alors bon, apparemment, c'est impératif parce qu'on ne va plus en sortir. C'est la fin du monde. Il n'y a pas assez de personnel, pas assez de trucs. Bon, bref, c'est la fin. D'accord. Et puis, à côté de ça, vous regardez Mayotte. Oh là là, mais des moyens, ça arrive, hein, un nouvel hôpital, et puis à la maternité, bon, ben, on va pas tarder à en faire une autre, etc. Et alors là, ça accouche, hein. Ah, là, ça accouche, hein. Et pas qu'un peu, hein. Donc, j'étais frappé de voir ces deux informations simultanées, là aussi, où, voilà. Alors, c'est vrai que la natalité, elle est en berne dans les territoires ruraux français, mais si, en plus, vous rendez toujours plus difficile la maternité, notamment, tout simplement, en empêchant d'accéder à des services liés à la maternité, bah, ça ne va pas l'encourager non plus. On est bien d'accord. Donc, quelle est la dynamique? Bon, bah, la dynamique, c'est évidemment de décourager la natalité dans les campagnes qui sont encore très majoritairement blanches. Hein. Alors, par contre, dans les grandes villes de France, attention, non. Alors là, par contre, ça modernise, ça élargit, etc. Voilà. Et vous regardez chaque début d'année le premier nouveau-né du département ou de la ville, celle où jamais. On les voit avec les photos, faut voir lesquelles photos. Ouh, ah bah oui, oui, premier nouveau-né à Rennes, premier nouveau-né à Nancy, le premier nouveau-né dans le Doubs. Tu regardes, et, ah bon, ah oui, effectivement, oui. Voilà, là ça y va, hein, là par contre. Ouais. Donc c'est bon, vous voyez bien que la natalité de tout le monde n'est pas concernée par ces coupes budgétaires. Hein, et donc voilà, donc bon. Et c'est une spirale, c'est qu'une fois que vous démantelez ce type de service, comme les écoles, je veux dire, comme les classes, les familles n'y viennent plus. Les familles n'y viennent plus, donc ça accélère le dépérissement de ce... Et ensuite, on vous dit, et ça c'était typique avec l'affaire de Callac, où la presse française parisienne s'en est emparée, en disant, mais oui, mais ce sont des territoires en voie de désertification, donc en fait, on les a abandonnés, quoi. C'est une opportunité phénoménale. Grâce à ces migrants, on va pouvoir redonner vie aux campagnes. Ils vous montrent des trucs. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'eux, ils te présentent les migrants comme des pionniers, tu vois. C'est ça. Je blague pas. La gueule du Far West. Non, mais ils t'expliquent. Et voilà, ils vont créer des fermes, etc. Truc. Bah, tu frottes les yeux, quoi. Je veux dire, c'est. Oui, mais en plus, ça va être. C'est-à-dire, ça marche déjà pas dans leur pays, mais ici, ça va marcher, quoi. Bah apparemment, hein, ils disaient ça, que c'était la nouvelle frontière pour l'agriculture biologique, notamment, ils disaient ça, voilà. Oh putain. Si, mais je te raconte pas de conneries, c'était dans Le Monde et tout, voilà. Et par ailleurs, Le Monde a fait une tribune, là, il y a un mois, à peu près, un peu plus d'un mois, signée par 360, ils aiment bien les chiffres qui sont, voilà, des centaines, pourquoi pas des milliers, j'ai envie de dire, et c'était des professeurs d'université, et qui disaient qu'il était temps de remettre du sérieux dans la question de l'immigration, d'accord, parce que le grand remplacement n'existe pas, tu vois. Il était temps de remettre de la science dans tout ça, tu vois. Alors, tu sais, on sort de la période Covid, tu vois. On t'a expliqué que les vaccins, c'était bien, que ça allait couper la transmission. Enfin, tous les mecs sur tous les plateaux, là, tous ceux qui ont été décorés la Légion d'honneur, vous les connaissez tous, hein, vous avez tous les noms, ouais, qui vous expliquent que c'est la science. Bon, on a découvert que tout ce qu'ils ont raconté, c'était faux. Bon, merde, bon, la science devrait être en berne. Non, elle se porte très bien. C'est la même chose sur l'immigration. On n'avait rien compris. Les gueux étaient cons comme des meules. Ils avaient rien suivi. Non, rassurez-vous, il n'y a aucun grand remplacement. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit des faits. Mais c'est génial quand même. Voilà. Ayant par contre, plus. Ayant par contre plus. S'ils peuvent quand même refaire vivre nos campagnes, ça serait quand même pas mal. Vous voyez ? Voilà. Ah, c'est marrant, hein, quand tu parles de chiffres comme ça ronflants qui sont publiés dans les journaux, tu es pensé direct au manifeste des 343 oui, salopes, hein, qui a un lien direct, hein, parce que c'était les avorteuses qui disaient, écoutez, on a avorté, etc., c'est génial, hein, tout ça, droit des femmes, pas de poète, quoi. Alors sur cette séquence, je voulais quand même préciser ça, puisque vous savez, non seulement le chef du gouvernement français, Elisabeth Bornstein, est juive, mais la présidente de l'Assemblée nationale aussi est juive, au cas où vous l'auriez oublié, c'est Yael Braun-Pivet. Qui a tenu, c'est la folie vaginocratique et juive. Alors voici ce qu'elle a dit, c'était relayé par la chaîne parlementaire, voici ce qu'elle déclare. Hein, elle a rendu hommage à Madeleine Brown, née en 1907 et décédée en 1980, qui était députée. Brown, c'est un nom qui n'est pas anodin pour moi. Pourtant, je tiens à vous le dire et à vous le garantir, il n'y a aucun lien de famille entre Madeleine Brown et moi. Juste une communauté de destin, puisque ce fut elle qui, le 30 juillet 1946, fut la première Française à monter au perchoir pour présider une séance de l'Assemblée nationale. Alors, je cite, « Il n'y a aucun lien de famille entre Madeleine Brown et moi. » assure Yael Braun-Pivet, juste une communauté de destin, en fait, c'est destin, c'est en trop, en fait, puisque ce fut elle qui, le 30 juillet 1946, fut la première Française à monter au perchoir. Alors, je ne peux pas vous transmettre la photo, mais en fait, Madeleine Brown, déjà, c'est la copie conforme de Ruth Elkrief. Ok, d'accord. Bah donc c'est pas un canon de beauté, quoi. Non, bah non, il y a un côté vampire là. Bon, voilà. Alors donc c'est une juive ashkénaze. Alors c'est pour ça que c'est marrant. Elle dit juste une communauté de destin. Laquelle ? Laquelle ? Bon. La communauté. C'est comme quand Facebook te bloque et pas respecter les standards de la communauté. Ah oui, voilà. Je vois. Ouais. Et alors, elle n'a pas dit non plus que c'est Madeleine Braun-Pivet. Madeleine Brown était députée communiste, stalinienne. On est en 1946, hein, c'est le stalinisme triomphant. Là, hein. On ne va pas faire plus... voilà, bon. Et donc, elle est là, toute contente. Il n'y a aucun lien entre nous. Évidemment, tu parles, elle est en train de pouffer de rire là, dans les travées. Voilà, et là, donc, c'est une juive communiste. Il n'y a rien à faire de toute la discussion qu'on a dit. Moi, je pense que les gens ont compris le fil rouge. Oui, il n'y a pas que le fil qui est rouge, d'ailleurs. Hein, voilà, et vous avez vu, quoi. Je veux dire, voilà, une juive communiste... En 1946, donc c'est vraiment juste au lendemain de la guerre, les juifs sont au pouvoir, les bolcheviks sont au pouvoir, ils mettent le pays en coupe réglée, et voilà, et tout est lié, tout est connexe, le judaïsme révolutionnaire, le féminisme, le marxisme, bien sûr, bon voilà, et comment voulez-vous, ce régime est en place encore. Donc c'était le gouvernement de la République, je pense que c'était la 4ème République à ce moment-là, non, c'était le gouvernement provisoire peut-être, mais peu importe, ensuite 4ème République, 5ème République, c'est la même, voilà. Alors voilà, bon, c'était une célébration, et j'imagine que tous les députés, peut-être probablement à commencer par Marine Le Pen, ont applaudi chaudement en disant « Ah, extraordinaire, voilà, une femme députée, voilà, oui, voilà, quelle avancée pour les femmes, voilà, bon, ben... » Moi, je voulais citer ça. Alors, oui. Je ne connaissais pas Madeleine Brown. Je tapais son nom là sur Wikipédia pendant que tu enchaînais. Alors moi, j'aime bien, c'est un petit truc que je donne aux gens quand ils essayent de voir les faciès des Juifs, que c'est assez intéressant. Essayez de trouver des photos de profil, parce que les Juifs, ils aiment bien se camoufler, et des fois, ils font des photos de face, du coup, on ne va pas bien les... Voilà. Donc là, j'ai une photo de la Brown à l'Assemblée nationale de profil, où le pif qui est là, on dirait un perroquet, quoi. Oh c'est là, ça, là, là, là. Ouais, mais en plus, c'est ça. Ah ouais, non, ouais, là, Brown. Non, parce que c'est des animaux malins, les Yopins, je veux dire, ils changent les noms, ils les font raccourcir, ils font raccourcir les pifs aussi, ils prennent des photos de face. Non, non, prenez une photo de profil, et là, vous voyez un peu le personnage. Non, mais c'est vous dire si la France est en juvé depuis longtemps, quoi. Faut pas s'étonner de voir ce qu'on voit. Voilà, donc Halimi, Veil... avant, c'était, vous savez, ça, c'est la LICRA qui a imposé ça aussi, c'est... j'ai oublié son nom là. La négresse d'Amérique là, qui danse avec des bananes, qu'ils ont mis au Panthéon aussi. Là. Joséphine Baker. Bon, alors j'ai appris qu'en fait, elle n'était pas au Panthéon physiquement. Elle est enterrée dans le sud de la France. Donc ils n'ont pas déplacé la dépouille ou quoi. Hein. Donc elle n'est pas au Panthéon. Ils ont mis le nom et ils disent allez, mais en fait non. Et la LICRA, ils ont eu une fièvre. Ils voulaient absolument mettre une mulâtresse membre de leur association, parce que Baker était membre de leur association. Et voilà, elle avait imposé, quoi. Donc, on est là-dedans, je veux dire. Le Panthéon, je sais pas, là, depuis 5-6 ans, tous les ans, ils veulent rajouter quelqu'un. Évidemment, toujours dans la ligne du régime, mais je veux dire, ils sentent... On a l'impression que les doses de morphine, ça suffit plus, quoi. Il faut vraiment massivement augmenter, parce que... Je pense qu'au bout d'un moment, on va arriver à un moment, il y en a un qui va rentrer tous les mois, vous voyez, ils vont dire « Ah, vous avez vu qui on a fait rentrer ? Ah bon, ouais, il y a encore de la place ? Ouais, ouais. » Voilà. Moi, le seul truc que je me rappelle du Panthéon, je te redonne la parole, mais c'est quand il y a eu tous les sans-papiers africains, l'espèce de nuée de noirs là, qui étaient rentrés il y a quelques années là-dedans. Là. Le tombeau des rois. Ah, putain, les rois nègres. Oh, il y en avait partout, quoi. Et là, j'avais envie de serrer la pince du gauchiste qui avait organisé ça, parce que c'était une organisation d'extrême-gauche qui avait monté le truc. Oh, j'avais envie de lui serrer la main. J'ai dit, oh les gars, là, vous avez fait fort. Ah, c'était parce qu'il y avait il y a un monument, vous savez, dans le Panthéon, qui est en l'hommage de la Convention nationale de la Première République, en 1792, quoi. Et il y avait un océan de nègres. Ils hurlaient dans leur sabir, de là, oulala, oulala, oulala, tu vois, ils étaient quand même hystériques, quoi, tu vois. Et il y avait la statue de la Convention qui se dressait. Il y avait là un symbole historique fort, quoi, tu vois, ça commence en coupant la tête du roi de France, et ça termine dans un océan de nègres. Je dis, ah, c'est parfait, c'est complètement raccord, c'est exactement ça, comment résumer la République en un seul mot, en plus dans le Panthéon, le lieu était idéal, et c'était vraiment très très bien, quoi. On aimerait que tout le monde soit régularisé. On veut avoir un rendez-vous avec le Premier ministre. Il dit qu'il n'a pas eu la lettre. Il a eu la lettre, mais maintenant s'il n'a pas eu la lettre, il nous a dit, on veut le voir. Qu'il vienne, qu'il vienne. Qu'il vienne. On est là. Vive le Premier. On veut la paix pour tous. Papier. Papier. Pour tous. Papier. Pour tous. Papier. Et voilà. Donc c'est... Et voilà. Donc ils veulent rajouter constamment quelqu'un. Alors Halimi, je crois qu'il voulait, je sais plus. Enfin, ça a traîné. Enfin, il y en a qui voulaient la mettre et Macron, je sais pas quoi. C'est pour ça que Macron a fait son petit numéro. Ils font ça aussi un peu pour tester. Hein. La population française ne réagit pas forcément. On essaye, oui, non, et puis si ça gueule trop, bah du coup ils la mettent pas. Sinon, ils font passer la fin d'après. Bon. Là, les Français, ils réagissent plus. C'est fini. Là, ils réagissent plus. Là, tu leur as alors, il ne faut pas trop s'inquiéter de ces histoires de dépouilles, notamment de Joséphine Baker, qui sont, déportées. Attention, il y a un mot interdit aussi. Qui sont déplacées, on va dire, d'un endroit à un autre. Parce que je rappelle quand même que Simone Veil est officiellement morte à Auschwitz. Voilà, déjà, c'est ça. Et quand elle avait été interrogée à ce sujet, elle avait dit « Oui, d'accord, effectivement, mais mon âme est morte à Auschwitz. » Donc, c'est bon. Ah, les sales génies. Oh, purée, bordel. Oh là là. Bon, on va pas me lancer sur les camps de concentration, sinon ça va mal se passer. J'avais une histoire comme ça, bon, mais je préfère m'abstenir. Enfin, voilà, donc on est... Alors, niveau féminisme, alors, les gens ont compris, hein. En fait, quand on parle de féminisme, c'est simplement le marxisme appliqué au rapport entre les hommes et les femmes par les médias et les activistes juifs, d'accord ? C'est-à-dire qu'il s'agit de convaincre les femmes blanches d'entrer en guerre contre leurs partenaires naturels que sont les hommes blancs pour crée un climat extrêmement défavorable à la natalité blanche. D'accord ? C'est ça la fonction du féminisme juif. Pour ceux qui voudraient... voilà, je synthétise. C'est ça le but. Voilà. C'est de saboter la natalité de l'homme blanc. Voilà. Donc exciter la femme blanche contre l'homme blanc, donc l'homme est à l'origine de tous ses problèmes. Voilà. C'est ça la fonction. Bon, je pense que vous aurez compris ça. Messieurs, je propose de passer à la rubrique suivante. La femme forte et indépendante de la semaine. Bah oui, passons à l'application concrète du féminisme, hein, c'est-à-dire les femmes au pouvoir. On va aller en Italie, puisque Giorgia Meloni est Premier ministre de l'Italie. La droite française et même l'extrême droite française étaient très très très très emballées à propos du phénomène Meloni, hein, nous à démocratie participative, beaucoup moins. Hein. Bon, on avait dit tout de suite qu'elle avait été à Yad Vashem en 2009, on a dit que c'était pas le bon cheval, on avait dit. Bon, donc c'était une femme, elle avait été à Yad Vashem, ça faisait beaucoup pour une seule même personne. Bon, à droite, on a quand même plutôt voulu s'enthousiasmer. Bon, alors, voici une dépêche de l'ANSA, donc c'est une agence d'information italienne, alors qui nous donne des chiffres très clairs, hein, sur la politique de Meloni pour 2023. L'Italie prévoit près de 500 000 entrées légales de migrants cette année, a déclaré le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Souveraineté Alimentaire, Francesco Lollobrigida, lors d'une conférence de presse à Bruxelles mardi. Alors, il s'exprime, cette année, nous allons travailler pour faire entrer près de 500 000 immigrants légaux. Cela peut également être organisé par des accords multilatéraux et bilatéraux pour soutenir l'immigration légale, a déclaré le ministre qui se trouve dans la capitale belge pour une série de réunions de l'UE. Travailler sur les flux est la bonne voie. Nous avons un plan de flux qui a été ignoré pendant des années et qui peut être une opportunité pour ceux qui veulent venir en Italie légalement et en toute sécurité, a-t-il ajouté. Voilà, on respire, tout va bien. En fait, il y avait une solution qui était là depuis des années pour l'Italie et peut-être même pour la France, mais en tout cas pour l'Italie, et personne à gauche ou au centre n'y avait pensé. Et Giorgia Meloni y a pensé. Elle s'est dit, ben, pour résoudre le problème de l'immigration, il faut légaliser l'immigration. C'est vrai que... Elle n'avait pas pensé tout de suite. Hein. Et voilà. Donc, est-ce que vous voulez réagir sur cette solution? Est-ce qu'elle vous paraît viable, durable? Est-ce que vous avez éventuellement une critique à formuler quant à cette orientation pour l'Italie? Qu'est-ce que vous auriez à en dire? Je crois qu'il y a un film américain qui s'appelle, je suis pas sûr du titre, je crois que c'est American Nightmare. Je suis pas certain que ce soit ça. Où, en fait, pour enlever le problème des meurtres, pendant une journée, ils légalisent le meurtre. Voilà. Du coup, plus de problème. Bah, j'avais pas pensé à ça, mais. Voilà, fallait y penser. C'est la politique, c'est compliqué. Bah, Giorgia Meloni, elle a été en Algérie, négocier son gaz. Et alors, bon, vous payez votre gaz, hein, avec les Algériens, bien entendu. Mais il y a toujours des choses qui sont associées au gaz. Et en général, ce qui est associé au gaz algérien, ce sont des Algériens. Et souvent, c'est ça, en fait. Hein. Elle a aussi été en Tunisie. Vous avez vu que ça remue un peu en Tunisie, parce que le président en place a fait comprendre qu'il y avait trop de Noirs en Tunisie, que c'était insupportable et qu'il y avait un phénomène de remplacement de population. Ah tiens, mais de et lui, il peut en parler, il n'y a pas de problème. Ça s'est pas bien passé, hein. Mélenchon a dit que c'était inacceptable, qu'il fallait mener une révolution là-bas pour abattre le pouvoir en place. Il y a toute une série d'organisations internationales qui ont fait comprendre là que le président tunisien avait intérêt à savoir se tenir parce que ça allait dans une très mauvaise direction. Hein. Donc voilà, hein, il faut des Noirs en Tunisie. Mais paradoxalement, il vide lui-même son propre pays puisqu'il les laisse partir vers l'Italie ou la France, hein, mais il les laisse partir aussi vers l'Italie. Alors je vous pose la question, je vais me retourner vers Jean aussi, ou peut-être Pempiero ou Diabolique aussi. Ce plan pour la seule année 2023, hein, 500 000 de migrants légaux pour lutter contre l'immigration illégale, qu'est-ce que vous en pensez? De Meloni, c'est un coup de génie quand vous voyez ça? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Il en a pas assez en Italie. Ils sont pas à chaque coin de rue. De toute façon, toutes ces bonnes femmes, moi je ne peux plus voir de femmes qui font de la politique dès qu'elles prennent des photos d'elles-mêmes et qu'elles les postent sur les réseaux sociaux. Tu sais que c'est une escroquerie. Tu sais que ça va mal se passer. Et je l'ai vu là quand elle avait été élue. Il me semble que c'était pour le 8 décembre, pour la fête de Marie. Je l'ai vue en photo toute sourire à essayer de faire des. Faire la catholique fervente italienne pur jus, et puis en fait c'est une escroquerie. Elles veulent simplement de l'attention, elles veulent être au cœur de ce qui se passe, et c'est tout. Y a rien d'autre. Elles feront exactement comme les autres, elles feront ce qu'on leur dit. Donc Mélanie, escroquerie supplémentaire. Ah, c'était pas le point. Vas-y, Diabolix. Que Meloni, mais n'importe quel gouvernement européen, y compris l'Union européenne, ne peut strictement rien faire. Quand nous avons eu la crise du pétrole dans les années 70, on a été obligé de signer avec les pays arabes des accords qui permettaient à ces gens de nous envoyer de l'immigration tant qu'ils en voulaient, sans aucun problème. C'est daté, signé, tamponné. C'est ça, ou alors on n'a pas de gaz et de pétrole. Et comme en plus on veut ni du gaz ni du pétrole russe, bah la coupe, comment dire, on est à coupe réglée sans aucun problème. Et la seule chose qui reste à faire à nos dirigeants, c'est à fermer leur gueule. Alors si jamais, évidemment, on tombait sur un gars qui avait les couilles suffisamment accrochées pour pouvoir dire niette, c'est clair qu'on aurait 20 ans de misère totale parce qu'il nous couperait les robinets des énergies, mais au moins on pourrait dire merde au reste de la planète qui nous a fait signer cette escroquerie totale. Seulement le problème, c'est que d'ici à ce qu'on trouve quelqu'un qui est encore doté de couilles en politique, on n'a pas fini de ramer. Hein. Oui, et puis de toute façon, comme tu l'as bien dit, la guerre en Ukraine et l'utilisation de certains pays de l'Est comme la Pologne pour priver l'Europe de gaz et de pétrole russe, place de toute façon l'Europe dans un état de dépendance totale sur le marché mondial, que ce soit vis-à-vis des États-Unis ou des puissances arabes, comme tu l'as bien dit, ou même de l'Afrique du Nord, s'ils ont un peu de gaz comme en Algérie. Voilà, donc voilà, t'es là, enfin, l'Europe est dans un état. Enfin, on est fou, hein, c'est ce qu'ils ont fait, c'est de la folie furieuse. Je veux dire, on se prive de notre partenaire stratégique évident. Ceci écrit, Gandalf, je tiens quand même à le spécifier, depuis une semaine, je fais zazen, c'est-à-dire que je suis dans la position du lotus dans mon bureau et je l'évite, parce qu'avec un ami, on s'intéresse énormément en ce moment à la situation et on est en train de découvrir une chose qu'on avait appréhendée puisqu'on faisait partie des premiers à avoir foutu le camp. Mais l'érosion est en train de se créer, c'est-à-dire que toutes les personnes réellement intelligentes qu'on a en Europe de l'Ouest sont en train de plier bagage. Alors, il faut bien comprendre un truc. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Prenons un plateau d'une compagnie d'assurance. Si dans un plateau d'une compagnie d'assurance, tu as 20% de cons, c'est pas trop grave, puisque tu as les gars qui sont vraiment concernés, qui rament du soir au matin, et le chef de bureau qui, lui, n'en a rien à foutre, mais de toute façon, peut se pointer à la direction générale en disant « tout va bien, on gère ». Sauf qu'à partir du moment où le gars qui rame du soir au matin, qui est brillant, intelligent, bien formé, fout le camp, là, ça commence à devenir extrêmement grave. Et je le sais par certaines fuites, en ce moment, c'est panique à bord, mais à tous les niveaux, parce que tout le monde se tire. Ça peut pas être autrement, puisqu'ils n'ont plus accès à de l'énergie à prix cassé, offert par la Russie. Donc déjà, fatalement, les opportunités industrielles enfin, le coût de la vie d'une manière générale augmente, le coût de production augmente. Donc de toute façon, les cerveaux, ils vont aller là où c'est compétitif et où on va les payer plus généreusement. Ça, c'est déjà une chose. Et puis je vois que ce qui est en train de se présenter à l'horizon, c'est ce qu'on nous fait comprendre là. Alors TikTok, c'est vraiment de la merde, hein, il faut le souligner, hein. Je veux dire, il y a la question d'interdire TikTok. aux États-Unis. Et évidemment, ils vont élargir ça à l'Union européenne, puisque l'Union européenne est une dépendance américaine. Donc, ils vont interdire TikTok à un moment ou à un autre. Bon, c'est vrai que c'est abrutissant et tout, c'est absolument juste. Mais comme vous le savez, en Chine, ils ont des paramètres sur TikTok pour en faire un... C'est comme tout, en fait. C'est un instrument, et vous pouvez en faire quelque chose de très positif ou quelque chose de très négatif, selon l'usage que vous en faites. Donc, TikTok, ça peut être utile, et les Chinois essayent de le rendre utile. Donc, il y a toute une série de paramètres pour en faire des outils éducatifs, etc. Enfin, un moyen éducatif. Bon, bah, en Occident, comme on favorise l'abrutissement des masses, bon, bah, fatalement, TikTok devient un truc d'abrutissement des masses. Alors, les gars, ils disaient que c'était les Chinois qui encourageaient ça. Ben non, c'est nous qui, simplement, n'avons absolument pas envie d'en faire quelque chose d'utile. Mais c'est pareil avec Twitter, c'est pareil avec Facebook, c'est pareil avec tout le reste, quoi. Hein. Bon. Mais... Je parle des gags parce qu'on voit bien que là, il commence à être question de se séparer de la Chine au plan économique. Et alors, ils ont fait comprendre, parce que ça a été discuté il y a environ une dizaine de jours, quand les Chinois ont fait valoir leur plan de paix pour l'Ukraine. Ils ont dit, voilà, nous, on a un chemin de paix à proposer entre la Russie et l'Ukraine, et nous sommes disponibles pour l'encourager et pour servir enfin, pour offrir nos bons offices. Immédiatement, ça a été attaqué dans la presse occidentale, y compris en France, en disant « Ouais, mais non, mais il n'y a rien de nouveau, etc. » Bon, d'accord. Et ensuite, ils ont commencé à agiter la question de Taïwan en disant « Ah, attention, il y a Taïwan, mais les Chinois vont peut-être armer les Russes en Ukraine. Ils vont peut-être leur livrer des munitions, etc. » Et là, il y a von der Leyen, qui d'ailleurs en ce moment, enfin, était hier chez Biden à la Maison-Blanche, elle a dit, donc elle a déclaré, attention, si jamais la Chine fournit des munitions à la Russie, à ce moment-là, il y aura des sanctions économiques. Bon, alors, en fait, c'est une question de temps. Excuse-moi, Gandalf, j'aime autant te dire que si on lance des sanctions économiques contre la Chine, la situation va devenir, mais non plus, bon, pour l'instant, soyons clairs, c'est drôle, mais là, ça va devenir carrément hilarant. Vous ouvrez AliExpress, les gars. Ben, sur AliExpress, vous avez tout, et ce sont des produits de qualité. Alors, on va lancer un boycott contre la Chine, mais ok, il n'y a pas de problème. Les premiers qui vont être pénalisés, c'est les Pays-Bas, parce que c'est la Chine qui s'étant fait baiser la gueule à une certaine époque avec ce qu'on a appelé la guerre de l'opium, a parfaitement compris que maintenant, il était temps que les Européens payent. Et si vous allez sur AliExpress, vous avez la totalité des produits pour le shit, c'est-à-dire les papiers pour faire les cigarettes parfumées à différents parfums, les systèmes pour les rouler, vous avez les pailles pour la cocaïne, vous avez vu, mais un truc, mais infernal. Vous avez toutes les lampes pour pouvoir faire pousser votre cam chez vous, et tout ça est exporté avec la bonne volonté de Madame von der Leyen vers les Pays-Bas. Donc, il faut, enfin, pardon, vers les Pays-Bas dans toute l'Europe. Donc, il faut bien comprendre un truc. Ça, c'est uniquement le côté dope. La majeure partie de l'informatique, elle est fabriquée où ? En Chine. On n'aura plus d'ordinateurs. La plupart des pièces de machine-outil de qualité, ben, c'est fabriqué en Chine et on n'en aura plus non plus. Donc, en fait, au final, on va faire quoi? Je dois dire très honnêtement, les gars, que je suis dans un moment de bonheur, mais vous n'imaginez pas à quel point. Parce que je vois ces gens qui sont en train de se faire seppuku sans aucun problème. Alors, soyons très clairs, ils vont entraîner tous les cons dans leur chute. On va se choper une crise au niveau européen, mais alors quelque chose de jamais vu, du surréaliste. Parce que ce qui nous restera, c'est des pierres et des bâtons pour essayer d'arriver à bouffer. Mais on aura respecté, comment est-ce que ce con me disait encore le truc dans sa conférence, oui, nous aurons respecté les valeurs européennes. C'est à mourir de rire. Surtout, on sera au zéro carbone. On ne produira plus de carbone puisqu'on n'aura plus d'économie. Bah, oui, mais en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des Arabes. Oui, mais pas de gaz. Parce que Macron n'a même pas réussi à avoir de gaz. Ah, pour l'agriculture, les gars, je vous conseille de revenir à la faux. Hein, parce que le tracteur agricole, va falloir oublier. Hein. Non, mais je veux dire, là, on est. Alors, je sais, les gens vont dire, mais oui, mais c'est très bien parce que si on se coupe de la Chine, on va pouvoir développer le secteur économique européen, etc. Mais c'est là, justement, le piège fatal. Avec quelle énergie, voilà, avec quel prêt et avec quel produit de base? Justement, c'est ça, voilà. Alors, oui, vous pouvez développer votre industrie en disant, on réduit notre dépendance à la Chine. Sauf que si vous n'avez pas l'énergie pour être compétitif, parce que le marché mondial est ouvert, si vous voulez produire pour exporter, vous allez devoir être compétitif. Or, on n'a plus d'énergie à bas coût, donc on produit cher. Alors, pour faire concurrence à la Chine avec une énergie chère, en sachant déjà tous les avantages qu'ils ont en termes de main-d'œuvre là-bas, ça, c'est compliqué, ça va être très compliqué. Et il n'y a pas que la Chine, je veux dire, il y a d'autres acteurs mondiaux, sous toute une série de créneaux. Donc, en fait, c'est juste terrible, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de biens manufacturés à bas coût. Donc, qui c'est qui va manger, en fait? Ce sera les classes populaires et la classe moyenne, parce qu'en fait, les gens très riches, ils auront toujours accès à ces produits-là, c'est pas un problème. Mais la classe moyenne européenne va être anéantie entre l'énergie, le coût de la vie, et je parle même pas de la guerre en elle-même, là ça va être encore, voilà. Et voilà, et bon, et vous avez, et on a, et en plus, on a en plus, on, les gens qui voudraient dire, oui, mais en se retroussant les manches, d'accord, mais même si tu te retrousses les manches, pour reconstruire un système industriel dont on parle, enfin, qui serait sans dépendre de la Chine, etc., c'est l'affaire de 30 ans. Le secteur chinois s'est construit sur une quarantaine d'années, quoi. Un peu plus de 40 ans. Donc, la puissance chinoise ne s'est pas constituée comme ça. Ça a été des décennies de sacrifices. Ils ont travaillé très dur pour obtenir le poids qu'ils ont dans l'économie mondiale aujourd'hui. Bon. Il y a pire que ça. Il y a encore pire que ça, parce que le problème, c'est que quand tu vois ce qu'il y a en ce moment de l'éducation nationale et de nos universités, mais les mecs, ils faut se rendre compte que quand ils se pissent dessus, ils sont persuadés qu'il pleut. Donc, on est dans un système où de toute façon, c'est foutu. Et tu parles de la classe moyenne. Je peux te le dire très ouvert. La classe moyenne se barre en ce moment. Elle se casse. Elle fout le camp. Elle est en Amérique latine. Donc, le principe, c'est qu'on va foutre, on va se retrouver avec des aliénés mentaux, parce que le niveau d'un jeune actuel, c'est des politiciens qui vont se dire, nous avons l'OTAN et nous avons les valeurs européennes, et plus rien, c'est en train de devenir sublissime, sublissime. On aura quand même des nègres et des islamistes, quand même. Ah, on n'a pas d'or, il nous reste l'or bleu. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et Mayotte ? Quand même. Quelqu'un d'autre sur les... Alors, du coup, alors oui, en plus, il y a la question... Bah oui, en plus, parce qu'en plus de tout ça, j'ai même pas parlé de la pile de dettes énormes qu'on a. Bon, bah ça se tombe sous le sens. De notre système retraite fantastique de soins, enfin, tout ça qui est payé, on ne sait pas comment, mais c'est payé à coup d'endettement, et voilà, et c'est formidable. Mais bon... si le niveau de vie s'écroule, comment on va faire pour rembourser? Tout ça, ça va devenir très très moche. Mais, comme Mélanie, si on a accès à des Arabes pas chers, tout va se régler, ça va être formidable, vous allez voir, ils vont bosser comme des dingues, pour faire plaisir aux vieux blancs, aux vieux boomers, hein, parce que, vous vous rappelez, j'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, peut-être Jean était là dans l'émission, on avait un témoin qui avait parlé, dont on avait lu le courrier, il y a quelques semaines, qui revenait d'Italie, et il nous avait, bon, il avait dit « mettez l'Italie à la poubelle ». Il expliquait que c'était un pays de vieux absolument, enfin, il n'y avait vraiment que des vieux et des pédés, il avait expliqué ça, hein. Et que lui étant jeune père, et se rendant en Italie pour des raisons touristiques, il avait son petit avec lui, et alors partout où il mettait les pieds, on lui faisait comprendre à sa famille, qu'ils n'étaient absolument pas les bienvenus, hein. Donc c'est ça, dans les restaurants, pas de gosses, on n'en veut pas. Alors effectivement, dans des pays comme ça, où en fait, il s'agit... Mais ils sont anti-natalité en Italie, c'est des marteaux à ce niveau-là. Ils n'ont pas de gosses, et d'ailleurs, j'avais lu quelque part que une grosse, grosse partie des avortements en Italie, qui sont très importants aussi, c'est des mères de famille qui tombent enceintes du troisième et qui se disent « non, ça va faire trop, c'est pas pour mon confort, ça va pas aller ». Donc ça donne aussi une idée de la mentalité des Italiens. Oui, alors en sachant le confort, je dis pas que c'est facile. Bien sûr, mais bon, quand on sait que la natalité italienne, il y a plus d'un siècle, ça pouvait être jusqu'à 8 enfants par femme, dans une Italie qui était autrement moins prospère, qu'aujourd'hui, bon, l'argument de la précarité, ça s'entend sans s'entendre, hein, je veux dire, voilà, hein, je veux dire, je dis pas qu'il faut retourner à un modèle d'Italie agraire, pauvre, avec 8 enfants par femme, mais enfin, si les femmes italiennes ont réussi, il y a un siècle, enfin plus d'un siècle, à... comment dirais-je, enfin, on élevé des familles aussi nombreuses, alors dans la difficulté, bon, et on parle de 8 enfants ou 7 enfants, est-ce que 3 enfants, c'est vraiment impossible, quand on sait que c'est de ça dont dépend l'avenir même du pays, et qu'ils en sont à 1,3, ben, voilà, hein, c'est une question de choix, hein, au fond, hein. C'est tout, hein, voilà, hein, au fond, c'est ça, c'est les sociétés européennes, elles sont vieilles, elles sont fatiguées, elles sont grasses, elles sont complètement sclérosées, et elles n'ont plus que le mot, voilà, mes acquis, mes privilèges, voilà, j'ai le droit à ça, etc., sans se poser la question, oui, mais grâce à quoi vous l'avez ? Ah, c'est parce qu'il y a des générations avant vous qui se sont retroussées les manches, hein. C'est pas tombé du ciel, hein. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que parce que tout est cyclique, ben maintenant, il y a d'autres pays qui se sont retroussés les manches, donc ils ont le fruit de leur travail, et voilà. Et, alors je dis pas que tout le monde est feignant, c'est pas ça. Je suis pas en train de dire ça. Mais il y a beaucoup trop de feignants, c'est évident. Il y a beaucoup trop de feignants. D'ailleurs, je voyais ça, je vous dis ça en passant, je sais pas ce que vous en pensez. J'étais sur Twitter, et je voyais un gauchiste qui avait fait Paris-Dauphine, et qui était il était assez jeune, hein, c'était un adepte virulent de l'interdiction de l'héritage, comme d'ailleurs aimerait le faire Davos, et comme un certain nombre de personnes comme Piketty essayent de le promouvoir, et il disait, voilà, c'est la solution miracle, en fait, toi tu te casses le cul, tu vois, pour créer un capital, pour le transmettre à tes enfants, j'en ai rien à foutre, je capte tout quand tu meurs, et du coup, ben, moi, je peux être un branleur, pas besoin de trop me casser la nénette. Ben, de toute façon, dès que tu meurs, j'en touche une partie. Donc, c'est simple comme ça, tu vois. Les grandes écoles françaises produisent ça aujourd'hui. Vas-y. Non, j'allais dire, pas plus tard que cette semaine, un de mes collègues m'a tenu exactement ce discours. En fait, la logique qu'ils ont en général derrière, c'est de dire que pour comment ça se fait que toi tu touches des sous de tes parents et qu'il y en a tellement d'autres dont les parents ont rien foutu ou ils ont pas été foutus de construire un patrimoine qui touche rien. Donc c'est pas juste, c'est inégal, donc ça va pas. Oui, c'est injuste, et voilà. Et bon, il était là-dessus mordicus, et voilà, bon. Et c'est ça le climat, si vous voulez. C'est le climat de l'assistanat généralisé. Voilà. Si quelqu'un a plus que moi, c'est un voleur. C'est pas lié à son travail, c'est un voleur. Et attendez, le niveau d'héritage qu'il voulait sucrer, c'est-à-dire qu'il avait commencé comme ça, il avait dit, voilà, au-dessus de cette barre-là, il faut capter 100%. Alors, je te pose la question, d'après toi, la barre se situe où ? Au-dessus de combien l'héritage devait être capté à 100%, d'après toi ? 100 000 euros, j'imagine. 20 000. Donc une Twingo, quoi. Bah oui. Tu vois, bah voilà. Oui, l'État, en une génération, hérite de tout le patrimoine immobilier. Ça, c'est le problème aussi un peu avec les gauchistes, c'est qu'ils pensent que l'État, c'est quelque part, ça va leur couler vers eux. Tu vois, ils disent, non, mais nous, on croit pas à la théorie du ruissellement des libéraux, qui est critiquable, je sais bien. Mais par contre, ils croient à la théorie du ruissellement de l'État vers oui, eux. Oui, oui, c'est ça. C'est le mot de Frédéric Bastiat, qui disait, député français du milieu du 19e siècle, il disait, l'État, c'est cette grande fiction selon laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens des autres. Et ça résume très très bien la mentalité française aujourd'hui, que ce soit avec le problème des retraites ou ce genre d'histoire là, de redistribution des richesses, des héritages. Je pense que l'héritage, la taxation des héritages, c'est probablement l'impôt le plus dégueulasse que tu puisses imaginer. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a payé ses impôts sur le revenu, donc déjà l'argent a déjà été taxé, il a payé des impôts sur la consommation, il paye des impôts sur tout un tas de trucs de toute façon en France, et ensuite quand tu meurs, donc c'est quand même un événement naturel, l'État te reprend une partie. Ouais. Ouais, et ils ont le culot de dire qu'en principe, dans le droit fiscal, il n'y a pas de double imposition sur des trucs. C'est quand même un truc fabuleux. Ils disent ça touche autre chose, je sais bien, mais ils te parlent de double imposition des revenus, alors qu'en fait, c'est une pile de taxes les unes sur les autres. Absolument. C'est dans un environnement comme ça, quand tu vois que les écoles françaises produisent ce type de gens, on n'est pas sur, je parlais de pionniers, ça ne produit pas des pionniers. Alors c'était marrant parce que donc les gens réagissaient en commentaire sur Twitter. Je sais que c'est une discussion de Twitter, c'est une discussion de bistrot, mais c'est quand même assez symptomatique, je veux dire, parce que c'est clairement un topic qui existe et qui est de plus en plus repris. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais je regardais la réaction. Et en fait, les gens du peuple étaient très mécontents. On disait, mais attendez, rendez-vous compte. Moi, j'ai envie de donner quelque chose à mes enfants pour qu'ils s'en sortent mieux que moi. Vous voyez, c'était souvent l'argument qui était utilisé, très légitime, bien sûr. Et le gars, au bout d'un moment, il dit, non, mais écoutez, vous comprenez rien et il faut laisser l'économie à ceux qui l'ont étudié. Donc, en fait, le gars expliquait donc la position du mandarin, quoi. Moi, j'ai étudié l'économie théorique, tu vois. Donc, moi, je sais comment ça marche, l'économie. Toi, reste où t'es. Sauf que ces mecs-là, le gars en question, j'ai regardé sa bouche, j'en donne pas davantage, plus d'informations, mais le gars a jamais créé de valeur ajoutée dans sa vie. Tu vois. Il a jamais donné un boulot à un mec. Il a rien créé, le gars, tu vois. Et il va repenser l'économie. Il a jamais rien apporté, mais il va repenser l'économie. Alors que les petites gens, tu vois, qui eux savent comment marche l'économie de manière empirique au quotidien, ils ont des réponses de bon sens. Et ce mec-là, qui en fait est un marxiste, hein, c'est la folie marxiste, il te rembarre, il dit non, mais de toute façon t'as rien à dire. Et voilà. Et en fait, il y en a beaucoup de ces cloportes. J'allais dire, c'est même la fonction de l'université française que de produire des cloportes comme ça en quantité industrielle. Et ensuite de les répandre partout dans la société, donc ça diffuse des cloportes partout, ils s'infiltrent partout, et ils pourrissent tout, parce que ces gens ne produisent rien, ce sont des parasites purs. Et ils créent un climat qui, au bout d'un moment, finit par devenir tellement toxique que toutes les forces positives, vitales, saines, qui pourraient tirer vers le haut, s'en vont, partent, abandonnent, laissent tomber, parce qu'il y a différentes façons de décourager, hein, je veux dire, c'est évidemment la kleptocratie fiscale, ça en France, pas besoin d'expliquer. C'est aussi le climat, parce qu'il suffit de la presse, tout ce qu'on permet, la législation, et puis les acteurs économiques hostiles. Je veux dire, les syndicats qui n'en sont pas, parce qu'ils ne représentent personne, hein, les syndicats. Ils ne représentent absolument personne dans la masse salariale française. Personne. Ces syndicats ne représentent personne. Ni la CGT, la CFDT, ils parlent avec une arrogance incroyable, surtout en ce moment, ils ne représentent personne. Les gens qui sont dans la rue ne répondent pas à l'appel des syndicats, c'est faux. Ils vont dans la rue parce qu'ils sont contre la réforme des retraites en question, on en a déjà parlé, mais ce n'est pas parce que la CGT ou la CFDT les appellent à descendre dans la rue. C'est des gens qui sont autonomes, indépendants, qui descendent d'eux-mêmes dans la rue. Ils ne sont pas encartés dans un syndicat et ils n'écoutent pas ce que le gros Martinez a raconté, ou ce que Berger a raconté, ou ce que toute la clique des syndicats a raconté. Ils s'en foutent complètement. Donc ça, c'est encore un autre instrument de découragement, parce que, grosso modo, les syndicats français, qu'est-ce qu'ils font à part plomber les entreprises? On ne sait pas trop, quoi. Je veux dire. C'est les rois de ça, hein, les mecs. Les syndicats français ont plombé je ne sais pas combien de boîtes. Hein. Je ne suis pas contre le syndicalisme en tant que tel, mais certainement pas dans la forme française, quoi, où c'est des mafias qui, avec des permanents qui se font plaisir et qui négocient des deals avec le patronat sur le dos des travailleurs, parce que c'est quand même ça. Le syndicalisme français, c'est une mafia parasitaire en connivence avec le grand patronat et qui bouffent ensemble autour de la même table. Hein. C'est ça en réalité. Hein. Voilà. Là, c'est leur numéro, c'est juste pour se donner le change, hein, de ce qu'ils font là dans la rue en ce moment. C'est juste, ouais, vous avez vu, on est de votre côté. Hein. Voilà. Ils savent que le truc va passer. Ensuite, ils vont retourner chez eux et dire, ah voilà, on a été bien et tout, voilà. Aux prochaines élections, il y aura des gens qui vont voter un peu pour nous, on est content. Et ensuite, on ira, comme en chaque printemps, prendre notre chèque à Matignon. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tous les ans, à la même date, les syndicats français, comme tout syndicat d'opposition qui se respecte, à l'écoute du prolétariat, va voir le gouvernement pour prendre un chèque. C'est logique, bien sûr. Donc voilà, rien d'étonnant, quoi. Ouais, il y a autre chose dans le tableau, c'est aussi ce qu'ils ont appelé la French Tech. Donc avec Macron, essayer de faire de la Las France une Vegas, start-up nation, ouais. Ils veulent donc en fait ils veulent moderniser la France avec des start-up et des trucs comme ça. Et en fait c'est que des entreprises à la con à base de nègres qui pédalent dans Paris pour aller livrer des bobos parce qu'ils ont la flemme de descendre au Franprix ou au Carrefour du coin. Chercher les courses eux-mêmes, donc il faut qu'il y ait un nègre qui vienne ou un Uber Eats, un arabe en Mercedes qui les emmène d'un bout à l'autre de Paris et que ça coûte le moins cher possible. Donc c'est ça la French Tech, c'est des boîtes, non mais c'est des boîtes débiles de ce style-là. Et bon bah on va voir, hein. Là visiblement il y a du grabuge dans la Silicon Valley, c'est en train de Ah oui, tu se dis, casser la tronche dans la tech, donc j'espère que ça va être le cas aussi, ça va être le dernier héritage du macronisme qui va s'effondrer avant même le départ de Macron, donc non, ça va mais être génial. il veut nous livrer une guerre mondiale aussi, quand même, avant. Il y a tout ça, mais il y a aussi la guerre mondiale. Je pense qu'il ne veut pas lâcher la barre avant de nous avoir quand même fait ce cadeau-là. Voilà. Il y a Ah, tout. je suis moins pessimiste, je le crois très bête, mais je crois pas qu'il ait très envie de ça. Si, parce qu'une fois que les gens comprennent, il faut quand même qu'on les tue. Tu vois, donc va falloir écrémer un peu après, tu vois. Comment dire Je Bah pense. là, les Américains ont complètement changé de braquet sur leur version de Nord Stream. Ils nous ont sorti une histoire de pêcheurs polonais, on sait pas trop, Non, des Ukrainien, Ukrainiens qui sont. Ouais, mais on sait pas trop s'ils seraient partis de la Pologne. Les mecs, une histoire faramineuse de sabotage, alors qu'il faut quand même une technique et un savoir-faire qui se trouve pas au premier coin de rue, quoi. Tu peux pas prendre des péquenauds ukrainiens et aller faire péter un gazoduc construit par la Russie, l'Allemagne, la France sous 60 mètres à 60 mètres de profondeur dans un territoire extrêmement surveillé. Enfin, c'est des histoires. Donc les Américains ont balancé les Ukrainiens sous le bus, quoi. Ils ont dit, oh, bon, bah, en fait c'est bien l'Ukraine qui a fait ça. Ce qui est en fait un acte. Donc en fait les Américains accusent l'Ukraine d'avoir commis un acte de guerre contre l'Allemagne, la France, puisque la France, faut quand même le dire, est actionnaire de Nord Stream. Donc elle a quand même financé le gazoduc à un certain montant, probablement plusieurs centaines de millions d'euros. Donc là, c'est difficile quand même dans ces conditions après d'entrer en guerre du côté de l'Ukraine. Mais bon, on verra, hein. Oh, ça va, quand même défendre les droits des homosexuels, ça permet quand même d'arrondir beaucoup d'angles, je pense. D'annuler Ouais, ceci. mais tu vas voir quand même que tu envoies des goïms allemands, français, si c'est dans le plan de faire Ah entrer là, l'OTAN dans la oui. guerre. Donc les Français, je sais pas, ils sont tellement golémisés, mais peut-être que les Allemands, ils vont se dire, ah, mais attendez, si on va pas aller se battre pour des gens qui viennent de faire péter une de nos infrastructures Non, énergétiques ce que je crois importantes. possible, c'est que, ayant été tellement rééduqué par la dénazification, il est possible que les Allemands disent non, on ne veut pas aller en guerre contre les Russes. On ne veut pas faire ce que nos grands-parents ont fait, tu vois, je veux dire. Tu Oui, vois, et puis parce c'est. qu'il y a des nazis en Ouais, Ukraine. voilà, le truc improbable, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il sauve la partie, il refuse de suivre les Juifs, mais en fait, par antinazisme. Là, tu sais, on rentre dans une spirale autistique totale où voilà, en fait, le golem échappe à son créateur, mais d'une manière totalement improbable. Ouais. Bah, c'est bien qu'on parle un peu de ça, parce que Orban a fait une déclaration absolument remarquable. Donc que je vais vous lire parce que bon, on sent qu'Orban essaye d'avertir en fait, et c'est très difficile, hein. C'est pas évident pour un chef de gouvernement comme lui, qui n'est quand même pas à la tête d'un pays très puissant. Je veux dire, c'est quand même la Hongrie, 10 millions d'habitants. C'est un pays bien sûr respectable, mais je veux dire, c'est pas une superpuissance, et c'est toujours délicat. Surtout qu'il est très marginalisé par l'Union européenne et même par la Pologne sur la question de l'Ukraine. On voit bien que la Pologne est jusqu'au boutiste, on voit bien que la Hongrie freine des cas de fer. Donc il est quand même assez isolé. Donc c'est pas évident de rompre le consensus, surtout dans un contexte de guerre, et surtout quand l'OTAN s'en mêle, quand les Américains s'en mêlent et qu'ils veulent absolument mettre de l'huile sur le feu pour des grands buts géopolitiques. Donc c'est d'autant plus courageux de la part d'Orban de dire les choses comme elles sont. Et d'essayer d'alerter. parce qu'au fond, il pourrait très bien jouer sa partition en solo et dire aux Européens, enfin, peut-être pas le dire aux Européens, mais dire à ses collaborateurs, bon, que tous ces gens se démerdent, nous, on fait notre politique et on fait pas de vagues. On fait pas de zèle, mais on fait pas de vagues. Et il va quand même au-delà. Alors, ça, c'est une, c'est Politico, c'est le média Politico qui le cite. Ça mérite d'être lu, hein, et d'être entendu. La probabilité que la guerre en Ukraine se transforme en un conflit mondial augmente, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban vendredi matin. S'exprimant sur la chaîne publique Kossuth Radio, le dirigeant hongrois a critiqué les capitales occidentales et accusé les alliés de l'Ukraine de promouvoir un conflit en raison d'intérêts économiques. Le monde n'a jamais été aussi proche d'une guerre locale se transformant en guerre mondiale, a déclaré M. Orban. La probabilité que cela se produise augmente de jour en jour, a-t-il ajouté. Le Premier ministre hongrois a également déclaré, sans fournir de preuves, que les partenaires de Kiev pourraient envoyer des troupes pour aider l'Ukraine qui lutte contre l'invasion massive du président russe Vladimir Poutine. Nous sommes très proches, à mon avis, d'une proposition sérieuse pour que les alliés, les soldats des pays alliés de l'Ukraine, franchissent également la frontière, a-t-il déclaré. Donc, ça se poursuit. Le gouvernement hongrois, quant à lui, a fait valoir qu'il plaidait en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, simplement parce qu'il accordait la priorité à la paix sur le continent européen. Dans son interview à la radio, le dirigeant hongrois a insisté sur le fait que sa position, donc pacifiste, était partagée par d'autres personnes dans le monde, en citant la Chine, le monde arabe et l'Afrique. Il y a l'Occident, a-t-il dit, et les autres. Donc, il insiste en disant, en gros, moi, je suis une voix isolée en Occident, mais il y a l'Occident qui pousse vers la guerre d'un côté et le reste du monde qui est sur notre position. C'est une position d'appel à la négociation, à la paix, avant que ça dégénère complètement en conflit mondial, puisque la formule a été employée par Orban textuellement. Et il dit bien, pour appuyer son propos, qu'en fait, il y a maintenant, c'est ça, hein, des discussions probablement au sein de l'OTAN ou en marge de l'OTAN, on ne sait pas exactement sous quel format, parce que je pense, comme c'est une organisation défensive, je ne suis pas sûr que sous le format OTAN strict, il pourrait tout de suite se déployer, je ne sais pas. Mais on comprend bien que ce seraient des États de l'OTAN qui franchiraient la frontière, depuis la Pologne probablement, et la Roumanie éventuellement, pour intervenir en Ukraine. Et alors, de ce que j'entends et de ce que je comprends, le scénario qui est privilégié en ce cas est similaire au scénario syrien. C'est-à-dire, comme vous le savez, les Russes sont intervenus en Syrie en 2015. Et au bout de 3 à 4 ans, ils avaient globalement complètement renversé la vapeur et Bachar al-Assad était en train de gagner sur tous les fronts. Et il était en passe de reconquérir complètement la Syrie. Et là, Washington a dit « c'est pas possible, il faut qu'on intervienne ». Et ils ont effectivement envoyé des troupes en Syrie pour occuper la partie est de la Syrie, qui reste aujourd'hui partitionnée, et il y a des troupes américaines déployées en Syrie, et le pays est de facto toujours coupé en plusieurs morceaux. A priori, ça serait le scénario à l'étude dont parle Viktor Orban pour la première fois en public, en disant, voilà, si ça tourne mal pour les Ukrainiens, et c'est ce qui semble se passer, parce que voilà, ils fatiguent, enfin, ils font pas le poids, quoi. Et que voilà, ils se mettent à reculer et que au Pentagone, à Washington, on estime que voilà, ça devient critique. Il faut franchir la frontière et il faut déployer les troupes sur une certaine limite. Et là, bah, les Russes, ils font face aux troupes de l'OTAN et ils arrêteront d'avancer. Et la frontière se trouvera bon bah à la ligne de contact en substance. Voilà. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit bah voilà. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et c'est une bonne question, et ensuite je vous donne la parole, bien sûr. Mais effectivement, quand on sait que les Ukrainiens exigent des armes à longue portée pour frapper de plus en plus loin en Russie, si les troupes de l'OTAN sont déployées en Ukraine, en disant, voilà, vous ne pouvez pas aller, c'est une agression, je ne sais pas, enfin, bon, vous connaissez le discours, quoi, on intervient pour des raisons humanitaires ou que sais-je, rien ne dit que le gouvernement ukrainien caché, en quelque sorte, embusqué derrière des troupes américaines, polonaises, françaises, britanniques, n'arroserait pas les positions russes. On n'en aurait aucune certitude. qu'est-ce que dirait à ce moment-là l'OTAN? Et moi, je pense qu'il prendrait les Russes pour des cons en disant, attendez, nous, on est là pour défendre un État agressé, mais le gouvernement ukrainien est complètement souverain quant à l'utilisation de ses forces armées. Nous, on n'y est pour rien. Donc, espèce de jeu de dupe, tu vois, chat perché, disant aux Russes, vous pouvez pas riposter parce que bah, c'est quand même nous. Et puis, si les Ukrainiens vous attaquent, eh bah, c'est bien fait pour vos gueules, hein, mais on vous rappelle, hein, si vous nous attaquez, nous, on répond. Voilà. Qu'est-ce que vous dites face à ce scénario-là d'intervention directe de l'OTAN ou bien de la Pologne, enfin, peu importe, mais en Ukraine directement, en soutien à l'armée ukrainienne qui prendrait une rouste, quoi. Moi, je ils auront jamais les couilles d'aller jusque-là. Jamais. C'est pas impossible qu'ils le fassent. Le problème, c'est qu'ils ont plus de munitions. Là, apparemment, le Washington Post a fait un papier cette semaine en disant qu'il y a des gros, gros problèmes d'approvisionnement en munitions et qu'il faudrait une quinzaine d'années pour reconstituer les stocks du Pentagone. Et pour deux raisons, parce que les Européens ont acheté énormément de munitions aux États-Unis. Et ils en ont envoyé une grosse partie à l'Ukraine, donc apparemment ils n'auraient pas suffisamment de munitions pour faire une guerre conventionnelle, ne serait-ce que quelques semaines. Et donc ça va être compliqué de ce niveau-là, mais même s'ils y arrivent, parce qu'ils arrivent à faire des tours de nécromancie qui nous échappent un peu, même s'ils décident d'entrer en guerre et d'aller sur le terrain, je pense que les Russes vont continuer, ils vont continuer sans s'arrêter. À mon avis, là, c'est parti, ils vont dire de toute façon, nous, on ne reconnaît pas la légitimité de votre présence sur le territoire ukrainien, et puis ils vont... Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a déjà, des raisons d'escalader dans le fait que les Polonais, on sait qu'il y a des mercenaires polonais, un grand nombre, dont des membres de l'armée qui sont sur le terrain en Ukraine. Il y a quand même un certain nombre de pays de l'OTAN qui envoient des gens se battre là-bas. C'est déjà escaladé. Et puis le sabotage de Nord Stream, c'est aussi un acte de guerre contre l'Allemagne, mais aussi contre la Russie. Donc, dans tous les cas, les Russes sont fondés à dire « nous, on n'en a rien à cirer, on continue d'avancer ». Et je pense que les Américains, de toute façon, n'oseront pas faire emploi de trop de force contre les Russes. Je pense qu'ils vont lâcher Zelensky. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus probable maintenant, parce qu'ils n'ont plus la base qu'il faut pour défendre le territoire. Et donc, ils vont essayer de trouver un arrangement plus ou moins à l'amiable avec les Russes. Diabolix. Bon, je disais donc que dans les différentes capitales européennes, on a de plus en plus de personnes qui manifestent contre la guerre, pas dans un but pacifiste, mais simplement parce qu'ils voient le pognon foutre le camp en Ukraine et que ça leur déplaît fortement, première chose. Deuxième chose, je voudrais qu'on revienne à une certaine logique. Quel est en ce moment l'âge moyen d'un militaire de l'OTAN? Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus que des vieux. On n'a pas fait de gosses. À partir du moment où tu n'as pas fait de gosses, tu n'as pas fait de chair à canon pour aller joyeusement se faire tamponner la gueule face à l'ennemi, quel qu'il soit. Donc, s'ils veulent rentrer en Ukraine, mais qu'ils y rentrent, ils vont gentiment se faire pochetronner la gueule d'une façon pas possible. Et les Russes, à partir de ce moment-là, et je n'attends que cet instant, auront toute légitimité pour pouvoir descendre sur Berlin, Paris et Bruxelles. Alors pour le coup, je ne pense pas qu'ils vont aller en Europe de l'Ouest. À mon avis, ils n'en ont pas grand-chose à cirer de ce qui se passe maintenant en Europe de l'Ouest. Ils vont lâcher l'affaire à un moment. Alors, à quel niveau de la frontière ukrainienne, ça, c'est leur affaire. C'est eux qui vont décider s'ils avalent toute l'Ukraine, s'ils en avalent qu'un bout. De toute façon, ils vont avoir l'embarras du choix, puisque moi, je les vois gagnants maintenant. L'Occident est en mauvaise posture, trop mauvaise posture, et ils vont laisser les choses se pourrir et se imploser en Europe de l'Ouest. Parce que je vois pas ce qu'ils ont à gagner à entrer à Berlin, ne serait-ce même à Varsovie. Parce que les Polonais, ils sont bien gentils, mais ils vont pas rentrer de même en Biélorussie ou en Ukraine. Il leur faut le soutien des Américains. Et donc, si les Américains lâchent l'Ukraine, ils vont lâcher la Pologne. C'est pareil. Donc, Les Russes sont arrivés en ce moment à un état d'énervement tel face à nous, qu'à un certain moment, ils vont sérieusement avoir envie de nous présenter la facture. À raison, hein, soyons très clairs. À raison. La question, c'est de savoir jusqu'où ça va aller. Moi, de toute manière, ça ne me dérange pas. S'ils ont envie de faire du tourisme en Europe, qu'ils le fassent. Bon, c'est peu probable. Maintenant, wait and see, attendons de voir. Moi, je pense que c'est... j'aime un certain degré de confiance dans le fait que l'Occident, enfin le système occidental tel qu'on le connaît, est vraiment à 100% dans ce conflit, qui revêt un caractère existentiel compte tenu des buts que se donne ce système. D'une certaine manière, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, et les dirigeants occidentaux se sont intoxiqués avec leur propre propagande, notamment autour de Trump, par exemple, quand ils avaient accusé Trump d'être un agent de Poutine, etc. C'est une collusion entre les services, alors que c'était grotesque, c'était faux. Je crois que l'affaire de Facebook en question, là, c'était juste, je sais pas quoi, qui renvoyait vers des liens. Bon, c'était grotesque. Je crois que c'était 100 000 $ d'achat de publicité sur Facebook, même pas fait avec l'aval de Trump d'ailleurs, ce qui est dérisoire sur les budgets consacrés aux élections présidentielles américaines, sur des budgets colossaux. C'était rien du tout, mais ça a été monté en épingle de manière colossale par évidemment la CIA, le FBI, le département d'État américain, le parti démocrate, pour nuire à Trump. Mais le problème, c'est que ça laisse des traces. Et au bout d'un moment, quand vous répétez matin, midi et soir que Trump, les républicains sont des agents des Russes, au bout d'un moment, ça, les gens finissent par y croire. D'accord ? Alors, ça crée un climat. Et ils disent, oui, mais c'est existentiel, c'est comme les élections hein, avec Trump, oui, c'est existentiel, voilà, on ne peut pas se permettre de perdre. Et de fil en aiguille, ils se mettent dans une disposition psychologique où il ne leur reste que l'escalade, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la rationalité, il n'y a plus le moment où on dit, bon, voilà, c'est bon, maintenant on calme un peu le jeu, voilà, on va renégocier un petit peu avec les... Moi, je pense qu'il n'y a plus du tout la rationalité à Washington pour aborder la question ukrainienne comme une simple question de rapport de force géopolitique, en disant, voilà, bon, c'est quoi l'ère d'influence ? Là, ils ne sont plus du tout là-dedans. Maintenant, ils sont vraiment dans une logique avec nous, contre nous, on gagne cette guerre, peu importe ce que ça coûte. Là-dessus, je te rejoins à 100%. Et le truc, c'est qu'ils l'ont associé, dans la propagande, ils l'ont associé à la situation à Taïwan. C'est-à-dire que maintenant, et c'est terrible ça comme piège, parce qu'ils disent, voilà, si on perd à Taïwan, si on perd en Ukraine, on perdra à Taïwan en cas de conflit contre la Chine. Or, pour les États-Unis, il est évident que la Chine est le principal concurrent. Donc, les Américains ont véritablement craignent fortement la montée en puissance de la Chine. Donc, en créant ce lien, en disant, voilà, si on perd en Ukraine, on va créer les conditions pour perdre à Taïwan. Or, à Taïwan et face à la Chine, les Américains ne peuvent pas se permettre de perdre. Alors, peut-être pas sur Taïwan même, mais face à la Chine, en général, ils ne peuvent pas se permettre de perdre, parce que là, c'est la position de puissance dominante. Donc, ils veulent garder leur leadership. Donc, ils se sont mis dans ce mécanisme intellectuel dont ils ne peuvent pas s'extraire. Ils ne peuvent plus s'en extraire. Parce qu'à la minute où quelqu'un va dire, bah, écoutez, il faut être un peu rationnel, essayons de nous entendre avec les Russes, parce qu'il est préférable d'avoir les Russes un peu plus écartés des Chinois que... dans une alliance avec eux. C'est préférable pour les intérêts américains. Et là, les mecs répondent, bah non, au contraire, c'est faire preuve de faiblesse, et si on relâche la pression en Ukraine, ça va donner le signal à Poutine et à Xi Jinping que leur stratégie est la bonne. Donc, au contraire, faire ce que vous dites de faire, ça renforcerait la position de la Chine. Etc. Donc, ils sont rentrés là-dedans et ils ne peuvent plus en sortir. Et vous avez maintenant, alors bien sûr, il y a les Juifs qui mettent leur pattes aussi, bien sûr, hein, c'est tout à fait central, parce que eux ils disent. Mais Gandalf, de l'autre côté, moi je remarque des faits qui sont tout à fait bons et vérifiables. Il y a 15 jours d'ici, tu sonnais à l'ambassade, dans une ambassade de Russie, on te répondait dans la langue du pays, en anglais, on communiquait avec toi. Aujourd'hui, tu téléphones à une ambassade de Russie, à la chancellerie, soit tu parles russe, soit t'es viré. On n'en a plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation au niveau du russe. Maintenant, c'est tu me respectes, tu parles ma langue, moi, toutes les conneries européennes, j'en ai plus rien à foutre. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça veut dire que les gars, ils commencent à être absolument sûrs de leur coup et que ils ont vraiment la rage. Parce que n'oublions pas, c'est une ambassade, c'est un corps diplomatique. En principe, on est dans la politesse, l'amabilité, la négociation. Ici, on négocie plus rien. Bah, tout à fait. Mais vous écoutez la rhétorique de l'Union européenne. Alors oui, ils sont alignés sur les Américains, mais vous écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, c'est la démocratie, c'est abandonner l'Ukraine, c'est quel sera le suivant. Ils se mettent dans cette logique jusqu'au boutiste. Ce qui me fait dire que oui, si on était rationnel, on se dirait ils vont trouver un terrain d'entente. Ils vont dire, voilà, bon, Zelensky, t'es gentil, tu baisses d'un ton. On va contacter les Russes. Bon, est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Vous voulez quoi? Non, parce que les Russes, les Américains ont fermé les portes à toute négociation déjà. C'est trop tard. Et les Russes, face à ça, ils ont fait pareil. Quand ils ont annexé... Les zones qu'ils ont conquises là, l'année écoulée, ils vont pas revenir en arrière. Ils vont pas rendre ce qu'ils ont conquis. C'est le message qu'ils ont envoyé. Il n'y a pas de pas en arrière. Il n'y aura pas, ah oui, bon, bah finalement, non, c'est trop tard, c'est fini. Or, pour les Ukrainiens, comme pour l'Union européenne, ou pour les États-Unis, ils disent, bah non, on leur demande de rendre la Crimée même. Vous voyez, on leur dit, rendez la Crimée. Et en plus du Donbass, les Russes, ils disent, non mais vous n'avez pas compris, on en a déjà prise d'autres de régions et on va en prendre encore davantage. Donc il ne peut plus y avoir de terrain d'entente, il ne peut même pas y avoir de discussion, ni même de... Voilà. Donc en fait, c'est fini la négociation, c'est plus que le rapport de force. Donc c'est pour ça que moi, je crois que, à la fois pour des raisons, pour tout le passif que j'ai cité, pour la dimension religieuse de tous ces propagandistes juifs qui disent, voilà, c'est la démocratie ou la mort, c'est... Voilà, il faut y aller, point barre, et c'est tout. Et aussi les problèmes internes. C'est-à-dire que quand vous regardez l'état de l'Europe aujourd'hui, avec sa montagne de dettes, une guerre internationale, ça leur permet quand même de justifier beaucoup de trucs. Hein, ça peut leur permettre de justifier un défaut généralisé en disant, bah oui, vous avez vu, mais bon, est-ce qu'on pouvait prévoir qu'on n'aurait pas accès au gaz, etc. Parce que ce qui s'est passé avec le gaz, c'est qu'ils ont mis des sanctions contre le gaz russe. Mais ça n'a pas empêché von der Leyen de dire que c'était les Russes qui utilisaient le gaz comme arme de chantage contre l'Europe. Enfin, c'est quand même fascinant, quoi. Je veux dire. L'Europe ferme le robinet du gaz, et ensuite on accuse les Russes de fermer le robinet du gaz. Et ils nous le foutent dans les dents. Et les gens restent là, sidérés devant les médias, ils disent rien. Donc, voilà, je pense qu'on est... Malheureusement, on est dans une spirale qui ne peut qu'empirer. Donc je comprends ce que veut dire Orban quand il dit, voilà, non, mais ils ont trop investi politiquement. Puis en plus, regardez ce qu'on a donné à Zelensky, je veux dire. Voilà, les volumes d'argent, d'armes, c'est colossal. Donc avec des volumes comme ça, c'est pas simplement pour avoir quelques kilomètres carrés de plus. Ils sont dans une logique de victoire. Enfin, eux voudraient être dans une logique de victoire totale. Donc je pense qu'il y a déjà plus en fait d'espace pour la négociation ou une sortie pacifique, enfin raisonnable et négociée du conflit. Je pense que c'est terminé, quoi. Ouais. Diabolique, c'est avant qu'on se sépare. Aussi, il faut comprendre aussi que l'Europe et les États-Unis ont poussé le bouchon depuis 2014 beaucoup trop loin, mais vraiment beaucoup trop loin. Le problème de l'Europe et des États-Unis, et ça, c'est quelque chose que tu remarques au niveau de tous les dirigeants d'entreprises multinationales, ces gars-là sont sûrs de leur certitude. On se sépare et on se dit à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine.